Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On ne s'est pas vu depuis un petit moment puisqu'il y avait eu 3 semaines de pause avant les deux derniers Grand Prix. On ne s'est pas vu après la Belgique, comme vous avez dit. On a été un petit peu des soucis pour faire l'émission la semaine dernière, mais pas de panique, on va se rattraper ce soir puisqu'on a double ration de débriefing avec Franck. Ça va Franck ? Bonsoir, bah écoutez, ça va très bien. Effectivement, 3 semaines de pause. Bon, comme j'ai lu dans le chat, effectivement, pas tout à fait non plus mode vacances encore. Hein. Ça va être surtout pendant le mois d'août où on va être un peu plus ralenti. Mais rassurez-vous, il y aura toujours votre dose quotidienne d'informations sur la F1. Voilà, donc un petit peu de. Voilà, un petit trou au mois de juillet, ce qui est assez rare. On n'aura pas ça l'année prochaine, hein, je vous rassure. On a un petit peu profité du coup pour lever un poil le pied avant de le doubler. Du coup, ben, Belgique-Hongrie. On n'a pas pu faire des briefings de Belgique pour différentes raisons personnelles. Et du coup, on s'est dit le petit doublé ensemble pour conclure avant de lancer les vacances côté course. Hein, voilà, c'est pas côté info, je pense pas. Il y a encore des choses à dire, peut-être quelques décisions qui vont se jouer pendant les 4 semaines sur quelques pilotes qui vont être signés à gauche ou à droite. Mais voilà, par ça. Ça devrait quand même pas être très très animé, soyons réalistes. Exactement, c'est vrai qu'on a des saisons de F1 qui sont de plus en plus longues, donc forcément le mois d'août ça permet que tout le monde se pose et les équipes jouent le jeu. C'est toujours un peu plus calme quand même, mais ça n'empêche pas d'avoir des actus. Si on manque d'actus, on vous fera quelques petits articles historiques et ce genre de choses. Hein. On sait toujours vous donner un peu de contenu quand même tous les jours, évidemment. Oui. C'est le principe, et puis voilà, Internet ne fait pas de pause, donc... Je sais pas pourquoi ils sont aussi gentils dans le chat, peut-être qu'ils convoitent tes 20 balles sur le fait que Verstappen n'ira pas chez Aston Martin. Moi je peux pas les avoir parce qu'il va pas chez Mercedes. Donc. Mais si tu veux pas les avoir, je crois que personne n'avait prévu qu'il irait chez Red Bull, donc c'est vrai que moi j'ai officiellement perdu mon pari. Mais... Même Alex n'avait pas prévu ça, donc c'est ça. Dommage, il aurait dit non, c'est lui qui aurait les 20 balles. Puis il n'est pas là pour me contredire. Donc. En plus, les absents ont toujours tort. Et c'est vrai que bon, ça a été effectivement ça a été une des choses sur lesquelles on reviendra. Max Verstappen a scellé son avenir, qui n'est pas chez Aston Martin, à mon grand regret, comme vous l'imaginez. Mais on va évidemment commencer, alors comme dit Nico, en débrief Belgique-Hongrie, il se rappelle plus ce qui est passé en Belgique. T'inquiète pas, on va vous rafraîchir la mémoire, puisqu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses. En 2 semaines, ça a été assez intense. La constante, c'est finalement que McLaren a dominé, hein, puisqu'il y a eu un doublé Piastri-Norris en Belgique, et puis un doublé Norris-Piastri en Hongrie. Donc c'est vrai que là, ça a été quand même... une nette domination de McLaren, un petit peu bousculée lors du sprint en Belgique par la victoire de Verstappen, bousculée également ce week-end par la pole position de Leclerc, mais au bout du compte, c'est toujours l'équipe de Woking qui a fait les doublés. Alors oui, Lambeau Diablo, on débriefera aussi Horner, on va en parler évidemment. Hein. On va rattraper 2 semaines de course, mais quasiment 5 semaines d'actu. On va devoir condenser un peu, mais il y aura les gros points forts, enfin les gros points importants, évidemment, Horner en fait partie. Alors déjà, Franck, avant de commencer à parler sportif, on va parler de McLaren évidemment, mais je voulais ton avis. Oui. Ouais, juste parle du bandeau quand même que tu as fait, du coup, spécialement pour cette émission. Alors vous pouvez voir effectivement qu'il y a pas mal de données. Donc c'est bien simple, là, il y a les pilotes de l'équipe, P2, P1, vous voyez sur Norris, c'est les résultats Belgique-Hongrie. Piastri, c'est Belgique-Hongrie également. En dessous, vous avez le championnat constructeur, c'est un petit peu format différent vu qu'il y a deux courses. Si jamais on est ramené de nouveau dans le futur à faire des doublés de courses, ce sera également ce format-là, comme ça au moins c'est prêt. Et puis je pense que j'enrichirai un peu le format classique prochainement. Voilà. Ta question du coup. Oui, ma question c'est, alors déjà évidemment, la grande question qui a fait polémique la semaine dernière, parce qu'on n'a pas pu en parler, la pluie et donc la gestion de course par la FIA. Tu connais mon avis, je le redonnerai après aux gens évidemment. néanmoins, est-ce que toi tu penses, alors déjà, un, que ça aurait pu partir à 15h lors de la safety car, sous safety car, on rappelle que la course a été d'abord annulée, enfin le départ a été reporté, la procédure a été annulée puis reportée, puisqu'il y avait trop de pluie après un tour safety car, et ensuite il y a eu 1h20 d'attente avant que la course reprenne sur 4 tours de safety car, puis un lancement en départ lancé. Donc déjà, est-ce que toi tu penses que la direction de course a eu raison? Certes, il y a eu un peu de prudence, notamment à la relance après 1h20, parce qu'il y a eu des tours sous piste à moitié sèches, mais avec des parties humides. Et évidemment, ça a fait débat. Est-ce que les pilotes sont encore des vrais pilotes lorsqu'ils décident de ne pas risquer leur vie à tout prix? Donc à toi de me dire ce que tu en penses. Alors pour moi, ça aurait pu partir à 15h, mais pas avec CF1. C'est ça le problème. Avec peut-être des F1, voilà, pas à effet de sol qui amplifient encore plus les sprays d'eau derrière les voitures, et pas sur ce circuit aussi, parce que clairement, bon, j'évite même de parler du contexte spécifique à Spa-Francorchamps, circuit extrêmement dangereux avec plusieurs morts ces dernières années, avec voilà, puis pas forcément qu'en Formule 1, mais il y a eu beaucoup de séries où il y a eu des cartons assez monumentaux, notamment dans la zone rouge-rédillon, hein, en général c'est un peu là que ça se passe malheureusement. Mais oui, avec ces F1-là, de cette génération-là, avec l'effet de sol qui soulève encore plus d'eau derrière elle, plus le contexte, voilà, Spa dans une forêt qui retient pas mal d'humidité, et notamment les gouttelettes d'eau en suspension, c'était compliqué. De toute façon, la FIA avait prévenu, après Silverstone, que ça allait jouer la prudence, forcément. Donc en fait, les pilotes étaient déjà plus ou moins prévenus. Et en fait, à part Hamilton et Verstappen qui ont un petit peu été chafouins sur le fait que ça part pas à 15h, il y a eu comme une quasi-unanimité, je pense, dans le paddock, aussi bien côté pilote que côté patron d'équipe. Voilà, même la FIA n'a pas eu besoin de se justifier, elle n'a pas besoin de le faire, sur le fait qu'effectivement, ça ne sont pas partis à 15h. Après, sur le long délai qu'on a connu, effectivement, moi, comme toi d'ailleurs, je crois aussi, on s'est dit quand même que ça aurait pu partir un poil plus tôt. C'est clair, et que les 4 tours derrière la voiture de sécurité étaient un petit peu trop de précautions aussi. Maintenant, moi, ceux à qui je pensais en premier, c'était aussi les spectateurs, hein, qui ont été, je pense certains, étaient là en 2021, et ont vécu une course de 3 et quelques minutes. Je te rappelle que même la semaine d'avant Spa, on s'est dit quel pronostic tu faisais pour Spa. Moi, je t'ai même dit 4 minutes 37, c'était le longueur de la course, finalement. Ça aurait pu arriver. Mais voilà, donc au moins pour les spectateurs, voilà, ils ont pu avoir une course sympathique aussi, la vivre non plus dans une bonne condition. Voilà, parce qu'il n'a pas effectivement beaucoup plu une fois que la course a été lancée. On a comme une, effectivement aussi une période de piste un peu mouillée, un peu sèche, donc un crossover des pneus. Donc de quoi effectivement animer un peu la course. Maintenant, c'est clair que pour ceux qui ont fait le pari des réglages pluie, ça c'est peut-être le côté sportif sur lequel on peut s'attarder un petit peu, c'est évidemment décevant, parce qu'il y a beaucoup de gens, dont Max Verstappen notamment, qui avaient adopté un réglage pluie, donc avec beaucoup plus d'ailerons. Et si la FIA effectivement retarde de manière trop démesurée les départs, comme ça a pu être le cas, je pense à Spa, peut-être de 15-20 minutes, je pense qu'effectivement, comme j'ai vu passer dans le chat, à 15h ou à 16h, 15h50 ou 16h, ça aurait pu partir, je suis assez d'accord là-dessus. Au moins, peut-être avec 3 ou 4 tours de voitures de sécurité, pour le coup, ça aurait été justifié. Mais voilà, on aurait pu gagner 15-20 minutes, et du coup aussi moins pénaliser ceux qui étaient partis sur des réglages pluie. Après, ça reste effectivement un réglage extrêmement fin à faire de la part de la FIA. Vu le contexte, effectivement aussi, c'est peut-être assez compréhensible. Il y a eu de la polémique sur le moment, un petit peu en soirée, le lendemain forcément sur les déclarations, puis ensuite on l'a quand même assez vite oublié, je pense. Bon, c'est vrai que le fait qu'on ait la Hongrie juste derrière pour passer à autre chose, ça a aidé, mais il n'y a pas eu énormément de scandales, j'ai envie de dire, par rapport au fait que ça a été retardé aussi longtemps. Non, alors moi, il y a deux questions et commentaires sur le départ lancé, on y reviendra après. Moi, je suis d'avis quand même, je pense que ça aurait pu partir un peu plus tôt. Néanmoins, quand on les a vus rouler à 16h20 dans Kemmel et dans les combes, enfin jusqu'aux combes, c'est un peu catastrophique quand même en termes de visibilité. Et encore une fois, c'est un endroit très spécifique du calendrier où justement il y a ce tunnel d'arbres qui retient l'eau en suspension. Et Alonso l'a dit d'ailleurs, quand il pleut et qu'il y a des projections, c'est comme rouler dans du brouillard. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Puisque c'est pas comme à Silverstone, comme en Hongrie ou quoi, où la pluie retombe et voilà. Donc moi, pour moi, c'est quand même, il vaut mieux jouer la prudence. C'est encore un endroit super dangereux. On se rappelle que c'est quand même une ligne droite qui n'est pas vraiment droite. Il y a des rails autour. Ça roule à 320, 330, et c'est pas un endroit où c'est facile de dire on va laisser les voitures rouler n'importe comment. Moi, je tenais juste à rappeler aux gens qui disent qu'il n'y a plus de course de F1 sous la pluie, notamment Max V, mais pas que lui, hein. Il y a eu plein d'observateurs, j'ai entendu des consultants et autres, que c'est faux, c'est tout simplement très très très faux, puisque 3 semaines avant, on était sous le déluge à Silverstone, justement un peu trop pour les pilotes qui ont dit attention, c'était un peu dangereux quand Isaac Hadjar notamment, Isaac Hadjar a été percuté Antonelli. On a roulé sous la pluie à Melbourne, personne n'a trouvé quoi dire. On a roulé sous la pluie à Brésil l'an dernier, Verstappen a gagné, donc il doit s'en rappeler. Voilà, on a roulé sur Grand Prix de Chine 2024, Zandvoort 2023, enfin il y a eu plein d'exemples où tout s'est bien passé, simplement. C'est pas Francorchamps, si c'est pas Francorchamps. Et c'est un circuit qui est dangereux, un petit peu, sur le sec, un peu moins maintenant qu'ils ont fait les travaux en haut du raidillon, puisqu'il n'y a plus les voitures qui reviennent sur la piste quand elles tapent, donc ça c'est bien. Mais ça reste un circuit plus dangereux, parce que pourquoi ? C'est un circuit qui est vallonné, c'est un circuit qui est de caractère, hein, comme on dit qu'on les aime, mais le problème c'est qu'un circuit de caractère, le risque c'est qu'il y ait que ce soit plus dangereux, parce qu'il y a moins de visibilité, parce qu'il y a des virages en aveugle, parce que c'est un peu dans des cuvettes, donc souvent les conditions ne sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre. Et c'est compliqué de rouler. Maintenant, on se rappelle que, encore une fois, au Brésil, dans les mêmes conditions, on roule. Pourquoi ? Juste parce que la visibilité est meilleure. Attends, c'est quoi, Bubble Boy, Manu ? Dans le brouillard, on roule, nous, sur autoroute et en paquet. D'ailleurs, nous prenons beaucoup plus de risques qu'à la F1, ces voitures étudiées. Oui, enfin, nous, on roule pas à 330, Bubble Boy. Le truc, c'est que là, pour moi, c'est incomparable déjà, puisque, en fait, sur autoroute, quand il y a du brouillard, on nous dit de rouler à 50. Ouais, souvent on se fait peur quand même. Enfin, moi, des fois, par pluie battante à 120-130, ouais. On peut des fois se faire quand même très peur. Hein. Je pense que exactement. Tout le monde a déjà dû se connaître ce genre de conditions. On serre un peu les fesses. Hein. Exactement. Et je rappelle qu'un brouillard, on est censé rouler à 50. Donc pour moi, la comparaison n'est pas forcément justifiée parce que voilà. Et encore une fois, c'est les pilotes qui roulent à 330. Et le problème, c'est pas de dire tant pis s'ils voient pas, ils ont qu'à freiner. Déjà, l'argument de Verstappen, pour moi, je le trouve totalement con. Parce que dire si jamais ils ont peur, ils ont qu'à ralentir. Bah oui, c'est ça, ils ont qu'à freiner sous la pluie. Et là où on voit rien, c'est vraiment très intelligent. Mais surtout, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est pas la visibilité pure. C'est-à-dire que la visibilité, elle est problématique s'il se passe quelque chose devant. C'est-à-dire si le premier et le deuxième s'accrochent, on se rappelle de Belgique 98, alors c'est en bas, mais c'est pareil. T'as le troisième et le quatrième qui s'accrochent, derrière, c'est le carton total. Si ça arrive dans Kemmel au bout, ils sont pas à 150 ou 170 comme Belgique 98, ils sont à 320. Et en fait, s'il y a un mec qui se fait taper de côté comme ça, les F1 ont été renforcés, il n'empêche qu'il sera quand même coupé en deux et il mourra probablement. Donc on peut pas se permettre de risquer ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut pas se permettre de jouer avec la vie des pilotes. C'était le cas avant, c'était bien, on acceptait qu'il y ait un ou deux morts par saison, mais en fait, on n'y est plus. Et après, le problème, c'est que s'il se passe quelque chose, comme je pense à Suzuka 2014, on viendra dire oui, la FIA fait pas ce qu'il faut, il fallait pas faire ci. Alors, certes, en 2014, elle envoie une grue en piste et elle l'a refait plus tard avec Michael Masi. N'empêche que, on peut pas dire à la FIA faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais quand elle prend la prudence, dire faut pas faire ça non plus. Et pour moi, et là je recite les mots de Gasly, il faut toujours être du bon côté du risque. C'est-à-dire qu'il faut toujours dire on est un peu plus prudent. Et quitte à décider que tel risque est acceptable, et ben on démarre après, on démarre pas avant. En plus, maintenant, la FIA consulte les pilotes par radio, donc ça aussi c'est un gros plus, je pense, pour l'aider à la prise de décision. Et les pilotes ont été assez clairs, donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas plus de débat que ça là-dessus non plus. Quoi. Et même Norris, d'ailleurs, qui était en tête à ce moment-là, a dit « Moi, devant, je voyais rien, donc j'imagine pas ce que c'était pour les autres derrière. » Nicody Rosberg a dit qu'il avait toujours eu très peur dans le premier secteur à Spa sous la pluie, parce que si quelqu'un freine trop tôt, ils peuvent mourir. Et c'est vrai que c'est ça. Hein. Et là, d'ailleurs, c'est typiquement, heureusement qu'ils n'ont pas lancé trop tôt, parce que par exemple, le dépassement de Piastri sur Norris se fait vraiment dans l'aspiration, on y reviendra. Et là, s'il y en a un qui relâche, c'est catapulte. Donc c'est vraiment, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas... C'est pas comment dire. C'est facile de dire oui, ça pourrait être plus prudent, moins prudent, mais en fait pour eux c'est juste une question de vie ou de mort et c'est du on-off, c'est-à-dire que le moindre truc qui se passe mal peut mettre fin à leur vie. Et dans ces cas-là, je peux comprendre qu'on décide de pas faire ça. Alors, Sobret Indelicate demande y a-t-il un seul week-end où il ne pleut pas à Spa ? Pour l'anecdote, j'étais aux 6 heures de Spa l'an dernier, il a fait beau tout le week-end, alors tu vois, moi j'ai eu de la chance. Et donc, je pense qu'on a fait le tour pour la dangerosité de la pluie. On a eu des questions et commentaires. Nico nous dit, au moment où c'est parti, vous auriez fait un départ arrêté ou lancé. Franck. Alors c'est vrai que pour le coup, vu que la ligne droite est quand même assez courte, je pense qu'on aurait pu se permettre un départ arrêté. Ça c'est mon avis personnel. Ouais, moi, mon avis personnel, c'est l'inverse. C'est-à-dire bon, voilà. Pour moi, c'était bien parce qu'effectivement, je vois Bubble Boy dit les départs lancés pour une soi-disant question d'équité, c'est de la blague. Si à côté de la piste c'est plus humide, on s'en fout, c'est les aléas de la course. Sauf que déjà qu'on voit que les réglages, quand les réglages sont pas adaptés à la pluie, les pilotes râlent. Si là on les fait partir sur un côté qui est humide, faut bien se rendre compte que littéralement ils perdront tous des places et ceux du côté gagneront tous des places. Donc pour moi, c'était bien. De toute façon, il n'y aurait pas eu énormément de spectacles en plus à partir sur un départ arrêté, parce qu'en plus, on aurait eu un accrochage et de nouveau une safety car ou un drapeau oui. rouge, et on serait totalement parti sur piste sèche après. Donc pour moi, c'est pas voilà. On n'a pas parlé des pneus pluie inutiles en F1. Alors ça, malheureusement, c'est le problème. Hein. C'est le problème qu'ils sont tellement performants qu'ils évacuent beaucoup d'eau, plus les diffuseurs des voitures à effet de sol. Bon, on se le dit, c'était pareil en 2021. Donc c'est un peu... Oui, en fait, ça sert à rien d'avoir des pneus qui évacuent plus d'eau, puisque de toute façon, on ne pourrait pas rouler derrière. Donc, c'est ça le problème. Hein. À moins que la course soit vraiment lancée, que la pluie soudaine arrive pendant la course. Un peu comme si t'arrives à Silverstone, d'ailleurs, parce qu'à un moment, ça a roulé aussi. Mais effectivement, si vous partez sur une course déjà, sur un circuit déjà détrempé, vous pouvez avoir tout le meilleur pneu pluie du monde que vous voulez, les projections d'eau elles resteront là. Donc, c'est ça. Malheureusement, voilà, les conditions de sécurité de Pirelli, des équipes, des pilotes dans leur grand melting pot commun de réflexion ont fait que malheureusement, une course de F1 aujourd'hui, quand elle peut démarrer sous la pluie, c'est un intermédiaire quoi. Ouais. Parce que s'il faut mettre les pneus pluie, c'est qu'il y a déjà trop d'eau et du coup les gens verraient rien derrière. Et c'est aussi que les intermédiaires sont très très performants puisque vous voyez qu'ils évacuent 50 litres d'eau à la seconde chaque pneu. Donc c'est quand même énorme. Et c'est 80 pour les pneus pluie, mais effectivement ça pose des problèmes de visibilité du coup. Non. Et puis l'histoire d'arche de roue qui avait été testée, malheureusement ça n'a rien donné, donc on ne peut rien y faire de ce côté-là. Et du coup, pour la sécurité, Bubble Boy dit les morts en sport auto depuis Senna, c'est souvent un concours de circonstances et d'enchaînements malheureux. Je ne pense pas que quelqu'un regarde la F1 pour voir les morts. Alors, effectivement, on est d'accord. Pour autant, les concours dans circonstances et enchaînements malheureux, il y en a quand même eu deux en l'espace de 4 ans à Spa-Francorchamps. Hein, Antoine Hubert et Dinalo Vantoff qui sont décédés respectivement en haut du Raidillon et dans Kemmel. Plus un accident au Spa, aux 24 heures de Spa 2021, où il y a quand même eu 4 pilotes envoyés à l'hôpital, exactement pour des raisons de visibilité. Donc je pense qu'il faut... Il faut se dire, oui, effectivement, on approche d'une sécurité très très bonne et d'un risque proche de zéro en F1. Néanmoins, il y a des endroits où il faut se dire que la météo, les conditions, le circuit et la visibilité aggravent et augmentent énormément les risques de grosses blessures, on va dire, ou de blessures. Et je pense qu'on peut s'en passer, à mon avis. Moi, je suis très content que les pilotes soient tous les 20 sur leurs pieds à la fin du Grand Prix. Si on pouvait juste changer Lance Stroll, pardon. Oui, mais sans qu'il se blesse, juste dire oui, voilà, Lance, maintenant c'est fini. Non, mais on avait essayé, les poignets ça a pas marché, main coupée ça a pas marché, on n'arrive pas à le virer, c'est pas possible. Il est robuste. Je plaisante évidemment. Oui, bien sûr. Parce qu'on a quand même des Canadiens, il y a même pas mal de Canadiens, j'ai vraiment passé aussi du temps dans les stats pour diverses raisons ces derniers temps. J'étais étonné de la manière dont nos articles Aston Martin fonctionnaient. En fait, il y a beaucoup de Canadiens, donc je suppose de Québécois, qui nous lisent. Donc, je leur passe un grand coucou et voilà, ça reste une boutade. Évidemment. Voilà. Et en plus, on en reviendra, mais effectivement, Stroll a fait un très bon week-end ce week-end. Exactement. Voilà pour le petit point météo, sécurité, etc. Mais ça me paraissait important. Boutade yarding. Ça me paraissait important de le faire. C'est vrai que c'est un débat qui revient à chaque fois, mais effectivement, comme les étoiles polaires, surtout quand on fait un hommage pour la mort d'un pilote le même week-end, c'est un peu compliqué ensuite de venir dire qu'on a été trop prudent. Alors certes, la mort d'Antoine Hubert, c'était sur piste sèche, mais justement, il faut se rendre compte que c'était sur piste sèche. Alors, donc, en plus, cet hommage, il a lieu tous les jeudis maintenant. C'est Pierre Gasly qui fait un run avec le t-shirt Racing for Antoine et qui va déposer des fleurs au même endroit chaque année. Donc voilà, le traumatisme est là. Et je pense qu'il faut en tenir compte et pas dire c'était un enchaînement de mauvaises circonstances. C'était un enchaînement de mauvaises circonstances, n'empêche que. Oui, mais c'est Dylan, c'était un humide de Volkswagen, mais celui qui a l'hommage qui est fait chaque année, c'est pour Antoine Hubert avant tout. Dylan Vantoff, c'est un peu plus. Il était moins proche du paddock, on va dire, même si tout le monde y a pensé aussi, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il faut. Il faut arrêter ce débat parce qu'en fait, il faut arrêter déjà de dire que les pilotes F1 roulent plus sous la pluie, ça c'est faux. Je crois que j'ai compté, on a eu 10 Grands Prix sous la pluie en 3 ans, donc c'est quand même pas mal, hein. Ça veut dire que ça a roulé. Et en plus, c'était des Grands Prix qui étaient spectaculaires, où les pilotes ont eu le droit de rouler sous la pluie dans des conditions différentes, avec plus ou moins d'eau. Donc là-dessus, je pense qu'il faut que cette fausse critique visant à dire que les pilotes d'aujourd'hui ne sont plus comme avant, que ce n'est plus les gladiateurs et tout ça, il faut arrêter les conneries. En fait, les pilotes sont dans les voitures, c'est eux, c'est leur avis qui doit primer sur le reste, quels que soient les gens qui vous disent qu'il ne faut pas les écouter. Donc voilà. En tout cas, on va revenir donc sur McLaren puisque c'était le point initial commencé. Et effectivement, ils ont gagné, c'est bon, on passe à la suite. Ah bah laisse-moi un peu profiter, s'il te plaît. Non, mais vous doutez bien que moi, avec 4 doublés de suite, je suis un petit peu. Je suis un petit peu tu vis ta meilleure vie, là. Je ne suis pas redescendu depuis quelques semaines. Profite, 2026 sera pas pareil. Ouais, bah, j'espère pas, j'espère. Mais oui, non, ça risque d'être un peu compliqué, un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que voilà, ça a été une course parfaite à Spa. Il y avait un beau dépassement de Piastri sur Norris, qui avait fait la pole sur un circuit qui n'était pas forcément le plus avantageux pour ça. Mais il fallait quand même y aller, à le suivre dans le raidillon sur piste humide et à le dépasser en haut. Et puis une course après qui a été propre entre les deux, ça s'est suivi. Voilà, il n'y a pas eu trop d'attaques de Norris sur Piastri. Et je voulais plutôt revenir sur hier, parce qu'hier il y a eu pour le coup un petit peu plus d'agitation, on va dire, en piste. Alors déjà, il y a eu un accident manqué de peu en EL2 vendredi, où il y en a un qui sortait, Norris sortait, Piastri passait, ils ont failli s'accrocher un peu bêtement. Et hier, ça a été un peu plus tendu, puisque Piastri a voulu attaquer Norris après être revenu sur lui. Donc Norris a fait une stratégie à un arrêt, en repoussant son arrêt le plus possible. Ça a fonctionné, il s'est retrouvé en tête. Piastri était plus rapide et lui est revenu dessus. Et donc, des attaques dans les trois derniers tours, en gros, et dont une qui s'est soldée par un pneu carré, une bonne roue bloquée et surtout un accident évité à quelques centimètres. Est-ce que tu penses, toi Franck, qu'on a vu un défaut, on va dire, ou un excès d'agressivité de Piastri hier? Non, ni l'un ni l'autre. Je pense que c'était... Je pense qu'effectivement aussi, c'était un peu de frustration par rapport au bluff de Norris. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il bascule sur une stratégie à un arrêt. Là, d'ailleurs, j'en profite pour glisser et saluer le fait que McLaren autorise bien des stratégies indépendantes entre ses pilotes. Et donc, ce qui n'empêche pas d'avertir l'autre pilote de ce que l'autre est en train de faire, évidemment. Voilà, pour que tout le monde ait les mêmes cartes en main. Donc après, à chaque pilote de réagir différemment, puisqu'on a même d'ailleurs laissé le choix à Piastri de savoir s'il voulait plutôt se protéger de Leclerc ou aller attaquer Norris. Donc voilà, il a eu le choix, et clairement, c'était aller chercher la victoire qui l'intéressait pour éviter de perdre des points sur Norris, ce qu'il n'a malheureusement pas pu faire. Maintenant, c'est déjà bien beau qu'il ait réussi à remonter, je trouve, quand même, sur Norris. J'étais pas sûr et certain qu'il réussisse à le faire. Mais bon, la fraîcheur des pneus l'a aidé un petit peu à cela. Les pneus durs ont vraiment tenu beaucoup de temps, hein, puisqu'on a eu on a eu 50 tours de la part de Kimi Antonelli en dur. Donc c'était un relais record, ce qui prouve que, pour le coup, le relais qu'a fait Norris en 39 tours, je crois, en dur, il y avait encore de la marge. Donc c'était plutôt bien joué de la part de Norris. Et sur l'attaque de Piastri, bon, écoute, à un moment, il faut y aller, il faut tenter. S'il a jugé qu'il avait encore une petite marge pour... il a fait un blocage de roue, mais le blocage n'était pas non plus exceptionnellement appuyé, j'ai envie de dire. Oui. Putain, blocage, on va dire... Un mini blocage, parce que mini blocage, c'est il y a beaucoup de mieux que ça, mais c'est un moyen blocage, voilà. ça pouvait être pire, ça pouvait être mode freinage catastrophe, on n'en était pas là. donc voilà, je pense qu'il y a eu une tentative, il a dû la faire, et c'était peut-être la seule qui puisse faire. D'ailleurs, il a dit après, si même s'il y a eu plus de tours, je pense pas que j'aurais pu le passer, parce que en termes de d'usure des pneus, ça commençait aussi à devenir un petit peu plus délicat pour lui. Voilà, il a fait une tentative, elle était un petit peu limite comme ça, c'est bien, ça a réchauffé les cœurs, ça a soulevé quelques émotions chez les fans de McLaren. Voilà, ça aurait pu nous offrir une deuxième victoire de Russell, un podium de Leclerc et un podium d'Alonso, hein. ça aurait été joli, mais non. Ils restent pour l'instant dans les clous, et tant mieux. Ça va. Après, imaginez, on part en vacances avec un accrochage en tête de course des deux McLaren. Là, je pense que notre mois d'août était bien rempli. Celui de Stella et Brand aussi. C'est ça, on aurait eu des choses à dire, je pense. Mais non, pour l'instant, ça reste très respectueux, et c'est extrêmement bien maîtrisé de la part et des pilotes et de McLaren aussi. Donc, sans faute sur la manière d'aborder les courses, en tout cas, de nous offrir à nous, fans de F1, et pas que fans de McLaren, un duel qui, j'espère, durera jusqu'à la dernière course. Hein. Voilà. Si ça pouvait rester indécis comme ça jusqu'au bout, je suis totalement preneur. Ouais, moi aussi. Après, de toute façon, surtout là, ils sont partis, vu l'écart maintenant avec Red Bull, ils sont quand même partis pour être rapidement tous les deux uniquement candidats au titre. Donc là, Brown l'a dit, c'est une loterie, en fait, entre chaque séance ou chaque week-end ou chaque course, ou l'un ou l'autre. C'est tellement serré, ça se joue à des détails, donc c'est ça qui est beau. Du coup, on a plus 7, moins 7, plus 8, moins 9, voilà, ça, ça fluctue, mais au final, ça fait 9 points d'écart, je crois, entre les deux. Donc, c'est joli, très joli. Ouais, effectivement. Moi, je suis assez impressionné par le revirement de situation depuis 4 Grands Prix. La mise à jour, enfin l'évolution que McLaren a apportée et que Norris a installé, et Piastri a l'air vraiment d'avoir remis à niveau Norris. Depuis son erreur du Canada, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a ? N'énerve pas Piastri là-dessus, hein. Il en a marre qu'on lui pose la question de savoir si cette suspension c'est un avantage pour Norris ou pas. Hein. En plus, Stella a dit qu'il a essayé de lui faire mettre quand même la suspension quoi qu'il arrive sur sa voiture. Donc, et je trouve qu'on retrouve un Norris qui a moins de difficultés à être à la limite sans la dépasser. Donc meilleur en qualif, moins d'erreurs hein, tout de suite. On retrouve un Norris qui est plus à l'aise en course, qui est plus confiant. Et je trouve qu'on découvre un Piastri qui s'énerve un peu. Alors je viens de voir le commentaire de Bubble Boy qui dit « Norris me donne l'impression d'un gars qui tient presque par miracle la tête hors de l'eau face à un Piastri qui n'a plus besoin que de quelques ajustements pour dérouler de course en course. Je pense qu'en seconde partie de saison, Piastri va broyer un Norris qui ne fera que illusion. » Mais je trouve que c'est totalement l'inverse pour moi, c'est que Piastri était vraiment très très fort il y a quelques courses. Alors, il est toujours, attention, hein, il est toujours très très fort. Mais je trouve que Norris a moins de complexe et Norris a moins d'urgence. C'est-à-dire que quand il est battu, il garde le sourire, il se dit « c'est pas grave, on verra plus tard pour reprendre des points ». Et là où Piastri m'a l'air vraiment d'encaisser chaque défaite avec un peu d'aigreur et d'amertume. Et je trouve que sur les 4 dernières courses, donc 3 victoires de Norris, une de Piastri, je crois qu'il y a eu 99 points contre 98 sur les 5 dernières courses pour avantage Norris pour un point. Mais je trouve que ça compte le Canada quand même où il y avait eu la grosse connerie de Norris. Et je trouve qu'il y a Du passé de Verstappen aussi où Piastri était quand même le vainqueur moral aussi. Hein. Bah justement, je trouve pas parce qu'il fait une connerie quand même assez. Il fait une connerie et au final, justement, je trouvais qu'il était déjà bien frustré. En tout cas, en piste, il était devant. Ouais, en piste, il était devant, c'est vrai. Mais tu vois, je trouve qu'il y a quand même ce côté où finalement, on voit un Piastri qui commence à faire des erreurs. Il en a fait en qualif, il en a fait en course. Et on voit un Norris qui fait moins d'erreurs qu'il en a fait au début de saison. Faut pas oublier qu'en début de saison, il les empilait quand même pas mal et tout le monde disait qu'il était foutu. Et je trouve que là, on a un peu l'effet inverse. Et c'est là qu'on va voir la solidité mentale de Piastri, qui pour moi est encore très très bonne. Et je pense pas qu'il va finir par s'effondrer. Mais je pense au contraire qu'on va vraiment avoir une lutte comme ça jusqu'à la fin de saison, très équilibrée. Et j'ai aucune idée de savoir qui sera champion. Très honnêtement, pour moi, c'est là, on a 9 points d'écart. Je pense que ça va. Sauf à ce qu'il y ait vraiment une mauvaise série pour l'un ou l'autre. Je pense notamment à Bakou-Singapour qui pourrait tomber en faveur de l'un ou l'autre parce que ça peut être deux courses où il y a des aléas et tout ça. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt propre. Alors, c'est vrai qu'en Belgique, on a vu un Norris qui a fait des erreurs en suivant Piastri en essayant de lui remonter dessus. Parce que donc, faut pas oublier qu'il était rentré un tour plus tard à cause de la pluie et il était reparti 8 secondes derrière. Il a essayé de remonter, mais à chaque fois qu'il remontait un petit peu, il faisait une erreur qui lui faisait tout perdre. Et là, c'est plutôt Piastri, je trouve, qu'il a fait des erreurs en Hongrie. Donc, après, je pense que, ouais, effectivement, ça va être compliqué d'avoir un favori avant un petit moment, hein, je pense. Oui, là, si ça reste comme ça, toi à moi, pendant les 3-4 premières courses de la reprise, je pense qu'effectivement, on ira vers un duel jusqu'au bout. Hein. Oui. Voilà, maintenant, c'est bien si c'est effectivement il y en a un qui risque, s'il y en a un qui se détache, ça sera effectivement un avantage psychologique qui pourrait faire un petit peu mal à l'autre. Mais. Pour l'instant, il n'y a rien qui en apprend le chemin. En plus, ce qui est très, très révélateur aussi de l'état d'esprit aussi de Norris, je voulais signaler, c'est qu'il a dit qu'il ne voulait pas du tout jouer de guerre psychologique avec Piastri. Il n'est pas du tout comme ça. Je trouve ça assez, assez sympathique comme propos. Si effectivement c'est vrai qu'en interne, parce qu'évidemment on ne sait pas tout hein, dans les coulisses d'une équipe, mais si en interne, effectivement, ça reste aussi. La relation si propre et jolie qu'on nous vend pour l'instant chez McLaren, si c'est vraiment le cas en interne aussi, chapeau, parce qu'effectivement, c'est assez facile d'aller verser après dans les critiques, dans les médias, ce genre de choses. Après, voilà, Norris aurait très bien pu critiquer de manière très forte l'agression. Ouais. je dis l'agression dont il a été victime hier en course, qui aurait pu mettre les deux McLaren dehors, vous vous rendez compte, Piastri a dépassé les bornes. Mais non, pas du tout. On n'a pas du tout eu ce genre de déclaration. Mais dans d'autres équipes, avec d'autres pilotes, clairement, c'est peut-être ce genre de titre-là qui aurait fait la une hier soir. Hein. Totalement. Totalement. Je pense que oui, clairement, ça aurait été le cas. Je vois Ferrari qui dit ça fait combien de fois que la stratégie est bonne pour Norris et mauvaise pour Piastri ? C'est beaucoup plus à l'avantage de l'anglais. Comme on l'a dit, il n'y a pas de stratégie globalement décidée en haut chez McLaren. Hein. C'est l'un côté et l'autre qui décide. Et là, je pense qu'on voit la différence entre Will Joseph et Norris qui bossent ensemble depuis 2019 et Piastri et Tom Stallard qui bossent ensemble depuis 2023. Donc il y a moins d'expérience. Et on se rappelle qu'en 2021, notamment, il y avait eu beaucoup d'erreurs stratégiques de la part de Norris. Ça a été corrigé avec le temps. Je pense que là, c'est juste une question d'expérience, forcément. Ouais, et Norris, je pense qu'il a eu un énorme coup de flair aussi, parce que quand il a vu que Leclerc se détachait devant de Piastri, avec le petit coup de mes pneus sont un peu trop usés, machin, en gros, je vais essayer de provoquer un petit peu l'arrêt. Ouais. Je pense qu'il les a provoqués déjà bien plus tôt que prévu, hein, cet arrêt, puisque les médiums pouvaient aller bien plus loin. Et basculer comme ça sur un seul arrêt, alors que c'était pas du tout prévu, hein, puisque c'était là l'a dit, hein, c'était pas du tout la stratégie qui était prévue. Je pense que c'est vraiment ce coup de bluff absolument magnifique qui est en grande partie l'artisan de sa victoire hier. Hein. C'est ça. Clairement, hein, c'est pour moi, pour le coup, la victoire, elle est aussi extrêmement belle par rapport à ça, par rapport à cette lecture de la course aussi. Donc c'est parfait, parce qu'il sait très bien que sa stratégie sera, comment dire, ses informations et sa stratégie sera répétée à l'autre pilote. Ils le font, hein. Bien sûr. Ils le font. Il y a Norris se plaint de ses pneus, Oscar se plaint, Piastri se plaint de ses pneus. Ça, c'est, vous l'entendez sur les radios McLaren. Les ingénieurs partagent les infos des autres pilotes et après, c'est à chacun de faire avec. Et comme Norris a pris un mauvais départ et qu'il avait été un petit peu retardé suite à ce mauvais départ hier, il a vu là une opportunité peut-être de dire bah, voilà, je vais peut-être leur faire à l'envers, entre guillemets, avec un seul arrêt. Et bah, ça a été. Voilà, c'est une stratégie qui était certes moins rapide sur le papier, mais qui a parfaitement fonctionné parce que ça a provoqué des arrêts beaucoup trop tôt dans la course pour les deux leaders. Voilà. C'est ça. Effectivement, Nico nous dit, je vois tellement Alonso ouvrir la radio pour dire que Piastri est stupide s'il avait été à la place de Norris. Ça, c'est certain que ça n'aurait pas été pareil, ça aurait été un petit peu plus incisif. Bubble Boy dit, Norris s'en sort en faisant l'inverse de Piastri par dépit et a la chance que ça marche. Alors, je te trouve très très très sévère parce que il tente l'inverse à Spa et ça ne fonctionne pas. Il a tenté de faire un seul arrêt en espérant que Piastri s'arrêterait deux fois, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas marché. Et là, je pense pas que ce soit par dépit ou par chance, il tente des choses parce qu'il sait que sur la piste, c'est compliqué de se doubler quand t'as des voitures qui sont similaires et surtout en Hongrie, et que ça se fait autrement. Donc je pense que dire que c'est de la dépit et de la chance, à mon avis, ça me paraît un petit peu, en voyant aussi son dernier relais quand même avec des pneus beaucoup plus usés, ça me paraît un petit peu sévère avec Norris. La question de Ferraride là, qui nous dit, même sur un circuit comme ça, je ne comprends pas pourquoi ils ont tenté le deux arrêts pour Piastri alors qu'il y avait le track position. On sait pourtant que les pneus durs arrivent à tenir quasiment toute une course sur la plupart des circuits. Alors oui, mais il a été contraint par le fait que Leclerc imprimait un super rythme devant. Exactement. Voilà. Donc c'est exactement ça. Et comme Piastri joue la victoire, et il n'avait pas de raison de jouer autre chose, hein, il n'avait pas joué la deuxième place. Sachant qu'en plus Norris avait perdu des places au départ, il n'y avait rien qui disait qu'il ne fallait pas aller sur un rythme assez élevé pour jouer le deux arrêts, puisque c'était quand même la stratégie que tout le monde a considérée avant le départ de la course, Pirelli et les équipes, comme la plus rapide. C'est donc, ça. Donc là, pour le coup, je ne pense pas qu'on puisse critiquer McLaren pour ne pas avoir fait le 1 arrêt avec Piastri. Non, la F1, ça se joue beaucoup sur savoir sur qui se tabler sur la stratégie. Et là, hier, c'était sur le leader qui devait se tabler, puisqu'il était deuxième, et que c'était la victoire qui ne jouait pas le titre. On se rappelle, par exemple, à Abu Dhabi 2010, Alonso fait l'énorme erreur de copier Weber au lieu de se méfier de Vettel, et c'est là qu'il perd le titre. Mais là, on était sur une stratégie de titre mondial et pas de victoire. Donc c'est un peu toujours, c'est aussi la différence, et ça rejoint ce que dit Warius. C'est autant une victoire de Norris sur Piastri que de Willy de Joseph sur Tom Stallard, et ça, c'est vrai. Je suis assez d'accord là-dessus. Et Xuan nous dit qu'il faudrait que les pilotes Ferrari et aussi la radio McLaren, ils auraient un meilleur échange alors que c'est pas leurs ingés. Alors ils pourraient l'avoir, hein, il faudrait que leurs ingés leur communiquent, c'est tout. Parce que toutes les équipes et puis toutes les équipes. Donc, ouais, qu'ils aient juste un canal où ils peuvent se brancher dessus. Ah oui, directement. Hein. Juste en écoute, tu vois. Ricardo et Brian ne savent à rien. D'ailleurs, je crois qu'on a Alexandre qui est à Naples aujourd'hui. Oui, il est parti mettre des contrats sur la tête des ingénieurs Ferrari. Il y aura du changement là ce coup derrière. C'est ça. Suivez les gens. À la rentrée, vous avez deux nouveaux ingénieurs de course chez Ferrari. Vous savez qui est mandaté. Suivez les Genoto. Oui, non, alors justement, Ferrari, il n'a pas dit qu'il se concentrait sur Norris et sur Leclerc. Il a dit qu'il voulait se concentrer sur les deux, qu'il espérait se concentrer sur la victoire. Parce que son équipe lui a demandé s'il préférait viser les points face à Norris ou la victoire face à Leclerc. Il a dit les deux. Mais en fait, forcément, son équipe a fait ce qu'il fallait. Et je pense qu'ils ont imaginé à ce moment-là, vu la dégradation aussi de ses gommes, que Norris n'allait pas réussir à faire un seul arrêt. Parce que c'est vrai que ça allait quand même y aller. Norris a extrêmement bien géré ses pneus, hein, comme l'ont fait d'autres pilotes aussi. Et je pense que à ce moment-là, ils espéraient que personne dans le groupe de test, que ça roulait quand même assez fort, puisse faire le comment on appelle ça, le stratégie à un arrêt. Donc voilà, clairement pour moi c'est ça qui fait. Mais en fait, encore une fois, c'est pas une erreur de Piastri ou de son ingé, c'est une tentative. Et de toute façon, s'il avait choisi un arrêt à ce moment-là et que c'était pas la bonne stratégie et qu'il perdait du temps ou quoi, bah finalement, il aurait aussi pu perdre la course face à Leclerc. Donc, parce que Leclerc, faut pas oublier qu'il a un problème, on y reviendra plus tard, mais sans problème, il était une vraie menace pour la victoire. Et Piastri a dit qu'il voulait la victoire, il l'a dit clairement à la radio. Donc là-dessus, c'était assez clair. Voilà. Je pense qu'on a fait tour pour McLaren. Ouais, et dans mon petit, dans mes petites notes, côté news pour McLaren, je n'avais rien noté de spécial à aborder, à part les propos de Zak Brown sur Christian Horner et Laurent Mekies, mais ça, on l'abordera un peu moins de Red Bull Racing. Bravo, Franck, ça fait du watch time, c'est très, très bien amené. on va donc passer à Mercedes. Alors, encore une fois, petit affichage double. Russell fait 5e en Belgique, 3e en Hongrie. Antonelli fait 16e en Belgique, 10e en Hongrie. Il regarde la 3e place au championnat constructeur, que j'ai mal écrit, j'ai oublié un T. Donc là, c'est pareil, hein, ça a été. On voit chez Mercedes quelques difficultés. Russell a fait une course assez transparente en Belgique, mais il a quand même réussi à prendre le top 5. Antonelli était vraiment très très très en retrait en Belgique, avec une élimination en SQ1 pour le sprint, une élimination en Q1 pour la course. Donc là, ça a été compliqué, on l'a vu en larmes au micro, hein. c'était assez, assez triste. Voilà. C'est un jeune pilote qui a besoin de progresser. Avant de parler de lui, on va quand même parler donc de Russell. Course moyenne en Belgique, beaucoup plus incisif hier, une qualification 4e, mais en fait à 53 millièmes de la pole, donc ça c'était très serré. Et puis comme d'habitude, ultra régulier en course et a su profiter des moindres déboires devant lui pour aller chercher un podium. Est-ce que toi, pour toi, c'est rassurant aussi pour Russell, et est-ce qu'il y a encore des espoirs de bons résultats pour Mercedes qui traverse quand même une période un peu compliquée? Oh, je veux dire que c'est rassurant surtout pour Mercedes et ses pilotes d'avoir remis une suspension arrière avant celle qui a été évoluée, voilà, qui est arrivée en début de saison européenne, qui clairement a mis l'équipe dans une mauvaise direction. Voilà, il avait essayé, il l'avait gardé, il l'avait enlevé, remise, puis finalement il l'a conservé, et finalement c'était un mauvais choix. Et depuis qu'ils l'ont enlevé, Russell ça a mieux, clairement, hein, puisque c'est comme premier podium depuis sa victoire au Canada. Donc, vous voyez, comme une nouvelle série quand même qui a été un petit peu longue. Alors certes, un podium un peu, on va dire, chanceux, parce que Leclerc s'écroule en fin de course. Mais quand même, le rythme était là. Et puis surtout, cette suspension arrière version ancienne, on va dire, version début de saison, qui redonne de la confiance aussi à Antonelli. Donc tout ça que je lis, c'est un petit peu le... Les deux pilotes en ont profité. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'Antonelli, il est un peu au fond du trou, hein, en Belgique, hein, comme tu l'as dit. On va pas trop revenir là-dessus. Juste signaler quand même qu'il a quand même eu pas mal de soutien dans le paddock, notamment Lewis Hamilton aussi, qui est allé le voir et qui l'a réconforté aussi. Donc, c'est un petit peu un geste forcément touchant et sympathique. Et il a fait une super course quand même, hein, Antonelli. Hein. C'est vrai qu'il est parti un peu loin dans le peloton en Hongrie, mais il a fait 50 tours, quasiment 50 tours avec les durs, un seul arrêt. Et là aussi, une stratégie qui lui a permis du coup de revenir dans les points. Alors certes, un seul point, mais pour la confiance avant les vacances, c'est quand même extrêmement bon. Donc j'ai envie de dire que partir sur une note positive pour les deux pilotes, qui n'ont pas encore de contrat, parce que voilà, je fais quand même une petite transition avec quand même le gros sujet qui nous intéresse tous, hein, évidemment, dans le chat, c'est vraiment l'histoire des contrats de chez Mercedes, qui n'ont pas encore de contrat, mais qui ont été quand même ultra rassurés par Toto Wolff, et en Belgique et en Hongrie, sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter, il pouvait passer des vacances tranquilles. Ça allait donc du coup se signer bientôt, peut-être se négocier bientôt, voilà, parce que voilà, je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais il y a quand même des choses qui ont changé. La donne a changé. Voilà. Mais c'est encore des choses à rajouter. La donne qui a changé, c'est qu'a priori, Russell devrait rester non seulement pour 2026, mais pour plusieurs années, en fait. Ça, c'est quand même la grande... C'est qu'on est passé d'un Russell pas sûr de rester à un Russell qui... Ouais, qui a admis 6 mois de danger, quand même. Hein. Voilà, qui a admis 6 mois où il n'était pas confort, quand même. Si au début, il disait non, ça va, je ne suis pas inquiet. Mes perfs parlent pour moi. Il n'y a pas de problème, tout ça, mais bon, quand même, les négociations de Verstappen avec Mercedes, hein, qui ont bien eu lieu, est-ce qu'elles ont aussi eu lieu en Sardaigne, la fameuse histoire des bateaux de la Sardaigne, que je suis obligé de caser ici, on ne sait pas, hein, mais Voilà, en tout cas, c'était apparemment quand même assez fortuit que les deux bateaux se retrouvent au même endroit, au même moment. En tout cas, officiellement. Est-ce qu'ils se sont vus dans les bateaux, à terre, à l'hôtel? On ne sait pas du tout. En tout cas, on sait que ça a discuté, clairement, puisque même Helmut Marko a reconnu pendant le week-end de la Hongrie qu'il était quand même, à un moment ou à un autre, assez inquiet de voir Max Verstappen s'en aller. Mais bon, c'est pas le cas. Donc du coup, bon, on reviendra sur l'épisode de Max Verstappen dans Red Bull Racing. Du coup, voilà. Russell et Antonelli, on la voit libre pour être allongé. Maintenant, et Verstappen. C'est voilà, de attends, tu veux dire quoi sur Verstappen? Donc, Verstappen a dit qu'on pouvait avoir son bateau près de quelqu'un sans avoir forcément une relation de travail, juste une relation humaine. Ce qui me laisse un peu perplexe, j'ai du mal à penser qu'il soit pote avec Wolf au point de partir en vacances avec. Mais bon. C'est ça, exactement. on en reparlera tout à l'heure, mais Verstappen écrit toujours des mots très bien choisis pour écrire l'histoire qui l'arrange. Il aime toujours bien foutre un peu le doute sur c'est des choses. C'est ça, exactement. Donc voilà, après. Mais voilà, moi le truc que je retiens maintenant, c'est que évidemment, bah, Russell c'est devenu maintenant le seul top pilote sans contrat pour l'année prochaine, et qu'un Verstappen qui dit non à Wolf, ça remet un Russell d'une position de danger à une position de force, parce que maintenant, bah, pour les négociations à Toto, il va s'accrocher peut-être un petit peu plus sur le salaire, sur les conditions, parce que voilà, s'il veut garder Russell, ça sera pas non plus pour une bouchée de pain, quoi, forcément, puisque voilà, il n'y a pas trop le choix. Pour Antonelli, ça sera pas la même chose, parce qu'évidemment, Antonelli est jeune, il apprend, en plus, il n'est pas sur la même pente, il n'est pas sur une pente ultra ascendante en ce moment, donc je pense qu'il va prendre ce qu'on lui donne, hein, clairement. Mais pour Russell, effectivement, avant les vacances, s'il y a des négociations qui n'étaient pas encore tout à fait bien menées sur les conditions, le salaire, la durée et compagnie, il a de nouveau des cartes plus solides en main qu'il y a une semaine ou deux. Sans parler que même si du coup Russell est Russell en fait se retrouve en position de force au moment où Antonelli sur la piste est vraiment en position de faiblesse. C'est probablement la pire période, enfin, la pire moment de sa saison, et du coup Russell paraît encore plus indispensable à Mercedes à ce moment-là, parce qu'on voit que lui marque top 5, top 3 pendant qu'Antonelli fait un point de course. Alors c'est que deux courses, mais c'est quand même ça s'inscrit dans une dynamique. Antonelli a fait qu'un seul, c'est son deuxième passage dans les points en 8 courses. Le précédent, c'est les premiers points de sa saison européenne. Et donc forcément, il faut que Russell fasse marcher ça. Et on nous demande dans le chat si c'est 30 millions qu'il aurait demandé, enfin qu'il demanderait. Et je ne serais pas étonné, parce qu'il ne faut pas oublier que l'an dernier, il battait un pilote qui coûtait 50 millions par an à Mercedes. Ou en tout cas, il était au niveau les années d'avant, il le battait l'an dernier, je dirais. Et franchement, c'est logique. Hein, Russell, aujourd'hui, ça vaut ce prix-là. Hein, c'est pas... 30 millions ? Ouais. Moi, je pense que il le vaut. Hein. J'ai un peu de mal, quand même, hein, pour le 30 millions. Bah, Russell, il a quand même immédiatement été au niveau d'Hamilton quand il est arrivé chez Mercedes. Donc certes, c'était pas la meilleure période de Hamilton. Quand mais tu sais quand qu'il croit qu'il est à 10-15 actuellement, s'il monte à 20-25, ce sera déjà très bien, je pense. 30, ouais. C'est déjà dans les salaires de gens qui ont été champions du monde. Hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. J'ai un peu un doute quand même sur le 30 millions. Ouais, là, je pense qu'il va faire jouer aussi, qu'à mon avis, je sais pas s'il a commencé la discussion avec d'autres, mais je pense que s'il avait demandé à Aston Martin lui aurait filé 30 millions, parce qu'ils auraient un peu une échelle différente. Donc après, à voir aussi, parce que c'est pareil, il a aussi l'avantage de pouvoir demander beaucoup, parce que son équipier coûte pas très cher pour l'instant. Donc ça joue aussi, hein, dans le budget pilote d'une équipe. C'est ça. Bah, Anthony, il fournit les pattes, hein, parce que Imola, il avait ramené la ZAN pour tout le monde. Donc... alors que pourtant, la F1 a son propre fournisseur de pattes officiel, maintenant, c'est Barilla. voilà. Et puis, du coup, il y a la fameuse clause de Verstappen, mais ça, on y reviendra plus tard. Il y a des questions sur Verstappen. Sur Brett & Delicate, je propose de la poser quand on sera à Red Bull, parce que je ne sais pas si on en ressouvient. Ouais, il y aura quand même un gros sujet Red Bull aussi. Aussi. Ouais, c'est ça. Ça arrive dans pas trop longtemps. Et donc, on va parler de Ferrari avant ça. Non. Tu es content, mais tu n'es pas content d'en parler. Alors, Ferrari... Non, j'avais le bon triplé en plus, hein, Norris, Piastri, Leclerc. Je tiens quand même à le rappeler. C'est vrai. Voilà. Foutu châssis. non, effectivement, alors là. Ou foutu Russell, je sais pas. Hein, foutu Leclerc aussi, parce qu'il n'a pas été non plus. Il était un petit peu agressif. Un petit peu chaque fois. Oui, un petit peu chaque fois. Et oui, dans deux cas, il y a eu un pilote de la famille Barilla en F1 qui était Paolo Barilla, qui est aujourd'hui PDG et qui a été aussi vainqueur des 24 heures du Mans. Donc ça, c'est effectivement le cas. Donc Leclerc a fait deux très bonnes courses, 3e en Belgique, 4e en Hongrie. Plus compliqué pour Hamilton, 7e en Belgique, avec une qualif vraiment compliquée puisqu'éliminé en Q2. Q1. SQ1 et Q1. Et douzième hier après une élimination en Q2 samedi alors que Leclerc était en pole. Est-ce qu'on commence peut-être par le dossier Hamilton parce que c'était un peu de sa quasi-dépression, hein, on en est là quand même, il est dans un état moral dans lequel on l'a rarement vu. Je te laisse dire un peu ses propos et me dire ce que tu en penses. Le drama Hamilton. C'est vrai qu'en Belgique déjà c'était costaud, hein. Mais la superbe remontada en course avait un peu fait oublier tout le reste, hein, puisque voilà, il y avait bien. C'était un des rares pilotes à autant progresser sous la première partie sous la pluie. Donc ça lui avait permis effectivement de combler sa très mauvaise Q1. Bon, la SQ1, j'en parle même pas, hein, puisque. Ah si, je vais parler quand même un petit peu de la SQ1 parce que il a dit qu'il a été surpris par un composant sur sa voiture qui avait aussi surpris Charles Leclerc au Canada. Et on a su après, et évidemment voilà, le problème de chez Ferrari, c'est qu'on pointe pas du doigt les fournisseurs, et encore moins quand ils sont italiens, c'est qu'Hamilton avait adopté les nouveaux freins à disque de Brembo qu'avait pris Leclerc. Et donc voilà, il s'est fait surprendre par le mordant, pourtant des choses demandées par les pilotes Ferrari, le mordant des plaquettes et des disques, enfin de ce nouveau duo de plaquettes et disques, et du coup voilà, en fin de SQ1, petit tête-à-queue avant la chicane de l'arrêt de bus, et du coup voilà, élimination à ce moment-là. Q1, une limite de piste extrêmement malheureuse au sommet effectivement de l'eau rouge, hein, dans le raidillon, donc là c'est vrai que vu que ça, en plus ça passe à fond, strictement sans problème, aller titiller les limites de piste à cet endroit-là, en plus en risquant d'endommager la voiture sur le plancher, parce qu'il y a un vibreur qui est quand même assez costaud, et qu'on passait ce vibreur-là à 310, 320, ça doit bien secouer en plus, donc voilà, c'est pour ça qu'il était vraiment extrêmement en colère contre lui-même. Ouais. Là-dessus, mais voilà, la remontée du coup de la course de la Belgique avait un petit peu atténué la douleur. Par contre, effectivement, ce week-end, se faire éliminer en Q2. Alors, il s'est pas fait éliminer en Q2 en se prenant une valise de la part de Leclerc. Il était à un dixième. C'était à quelques millièmes seulement de passer en Q3. Et même Charles a failli être éliminé aussi en Q2. Hein. C'est pas passé loin non plus. Hein. Donc, à un moment, les deux Ferrari étaient vraiment limités et c'était extrêmement serré. Mais voilà. Là, pour le coup, il a décidé de prendre énormément sur lui. Je suis useless. Alors useless, vous avez deux traductions possibles qui sont toutes les deux autorisées. C'est ultra déprimante. C'est ça. C'est soit nul, soit inutile. Alors, inutile, c'est la traduction littérale. La traduction normale en anglais pour quelqu'un vous dit je suis useless, c'est nul. Voilà. Si vous êtes un britannique, vous dites je suis useless, c'est je suis nul, je ne suis pas inutile. Donc la vraie traduction. Donc je le tiens à dire à tous mes confrères des médias francophones qui ont traduit par inutile, le vrai mot c'est nul. Voilà. Dans le contexte par lequel un britannique le dit, c'est ce qu'il veut dire lui-même. Donc voilà. Et il se demande même voilà, si Ferrari ne devrait pas changer de pilote pour résoudre le problème. Là, on y va quand même assez fort, ce qui a un petit peu soulevé quelques rumeurs sur le fait qu'il ne pourrait pas finir son contrat, qu'il ne reviendrait pas après la pause. Parce que le 8 août, donc c'est dans 4 jours, il va faire une grande annonce, mais il a refusé de dire ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit lié à la F1, je pense que c'est lié forcément à un projet plus personnel. Mais voilà, il y a hors de question qu'il se barre comme ça de chez Ferrari, encore moins quand il y a 2026 qui arrive. Mais bon, on a eu un Hamilton des très très mauvais jours, qui avait vraiment pas envie de s'exprimer déjà après les qualifs, hein, on a eu droit à une dizaine de mots, grand maximum, un peu plus sur la conférence avec la presse écrite le soir même, et idem hier au micro, c'était voilà, très très laconique. Voilà, il se souvenait même plus au début qu'il avait dû esquiver Max Verstappen. Et puis quelques minutes après, voilà, il a fallu parler un peu plus à la presse écrite. Il y a eu quelques mots en plus qui sont sortis. Il a voulu rassurer. Non, j'ai pas voulu dire que j'abandonnais. Ne me sous-estime mais pas. Je serai là à la pause. Je reviendrai. J'ai juste besoin de vacances. Et d'ailleurs, pendant ces vacances, je vais seulement écraser quelques larmes pour évacuer la pression. Alors, les quelques larmes, c'était pas ce week-end-là qu'il l'a dit, c'était le week-end d'avant. Voilà, je remets vraiment les choses dans le contexte. Donc, effectivement, pas de grande joie chez Lewis Hamilton, mais bon, ça. On va dire que c'est un petit peu dans la poursuite des éléments. On espère juste qu'il va bien se reposer, hein, voilà, qu'il va bien revenir, parce que c'est Lewis Hamilton, il n'est pas du tout terminé, hein, il est capable de faire encore des très grandes choses, il n'est pas si loin que ça de Leclerc quand même, il faut quand même le rappeler que Leclerc est quand même un très grand pilote sur un tour rapide, en course les deux sont très bons, Hamilton sait sortir des grandes courses, il faut juste effectivement qu'il essaie de retrouver un peu de confiance, Et pour cela, je pense que la nouvelle suspension arrière qui a été introduite en Belgique va certainement bien les aider. Donc voilà, j'ai envie de croire une meilleure deuxième partie de saison pour Ferrari et donc du coup pour Hamilton, histoire de, voilà, de remontrer un petit peu à tout le monde de quel bois il se chauffe, que c'est pas un septuple champion du monde pour rien. Parce que j'en ai vu passer, hein, il a gagné sans aucune adversité. Ça, voilà, c'est. ça aussi, voilà, il a fallu aussi un peu le démonter un petit peu pendant ces quelques jours. Ça fait Voilà, c'est quelques ça, années moi. qu'on entend ces conneries déjà. Ouais, mais moi, ça me fait toujours un peu de la peine parce que bah, Lewis, c'est un gars qui vraiment porte. Alors, comme disent les Anglais, the heart of the sleeve, hein, Ouais. le cœur sur la main. Le cœur sur la main, en français, ça veut dire être généreux. C'est pas la même session, mais c'est vraiment quelqu'un qui vit et qui marche à l'émotion. C'est vrai que là, il a été sur un cran qu'on ne l'avait jamais vu, même chez Mercedes. Hein. On a vu des Hamilton des très mauvais jours chez Mercedes dire des choses extrêmement choquante sur son voilà sur lui-même sur sa capacité à être rapide à être bon là quand même dire que l'équipe devrait changer de pilote c'est vrai que c'est un niveau qu'on n'avait pas vu encore chez lui voilà c'est juste je pense un ras-le-bol pré-vacances Ouais. et ça ira mieux à la rentrée voilà je vais pas en dire beaucoup plus parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup plus à dire que ça je suis pas là pour démonter les haters de Hamilton parce qu'il y en a beaucoup la pleureuse et tout ça hein. J'en vois passer des commentaires sur Facebook sur les réseaux sociaux. Évidemment, je ne cautionne absolument pas ce genre de choses. Voilà, c'est juste respecter aussi les pilotes quand ça va pas pour eux, parce que c'est pas évident. Bah c'est ça. Moi j'ai une critique à faire sur Hamilton, mais je vais d'abord la faire sur ses haters. Je trouve que c'est complètement débile, je dis bien débile, de remettre une carrière de 15 ans et 7 titres en cause juste parce qu'un pilote est dans le dur actuellement. Et souvent ça vient, récemment aussi, ça vient pas mal de fans de Verstappen parce que c'est sa dernière némésis et qu'ils ont bien aimé le démonter depuis 2021. Faut pas oublier que Verstappen a 10 ans de carrière en F1 et il a eu des débuts beaucoup moins réussis que ceux de Hamilton. Alors une moins bonne voiture aussi, mais il a eu beaucoup plus de défauts de maturité notamment. Et aujourd'hui, tout le monde disait en début de saison, oui, de toute façon, Max gagnerait dans n'importe quelle voiture. On voit que c'est pas le cas. Et c'est pas contre Verstappen, c'est normal. Il n'est pas un génie, il n'est pas mieux que sa voiture. Il vaut ce que vaut sa voiture. La voiture vaut 7e ou 8e, il vaut 7e ou 8e, et point. Et s'il restait 15 ans, enfin 5 ans ou 7 ans de plus en F1, 8 ans même, rien n'empêche de le voir aussi couler un peu sous de la même manière. Parce que, en fait, une longue carrière, on a vu que c'est souvent vers la fin que les pilotes s'effondrent un peu. Alors, Alonso peut être un contre-exemple, ou pas, parce qu'Alonso, certes, il a beaucoup plus de hargne et de choses comme ça, mais pour autant, je trouve qu'il y a eu certaines phases où il était d'une aigreur totale qui était sûrement la manière dont il relâchait exactement les mêmes sentiments qu'Hamilton aujourd'hui. Et enfin, Il rejetait pas sur lui, il rejetait sur l'équipe, ce qui était plus grave. oui. Ça, c'est sûr. Non, mais après, les groupies de Lewis, c'est pas le sujet. Que les gens soient ultra fans et disent, voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est juste que quand ça en vient à attaquer la personne pour ce qu'elle est, sur ce qu'elle est pour sa carrière, ça devient un peu ridicule. Et encore une fois, c'est pareil. Et les fans de Lewis qui viennent dire que les autres pilotes sont moins bons, enfin, comment dire, viennent critiquer les autres pilotes de manière injustifiée, c'est exactement la même chose. C'est totalement débile aussi. Mais en tout cas, résumer la carrière d'un pilote à ses bas, juste en disant, bah oui, de toute façon, ça a été un champion en mousse parce que aujourd'hui il est dans le dur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était pas les mêmes années, c'était pas les mêmes périodes. Et quand il était à son prime, il était le meilleur. Et encore une fois, il a battu Rosberg 2 années sur 3. Il a battu Bottas qui n'a pas été engagé comme un numéro 2. Après, en 2018, il a eu des consignes, mais parce qu'il venait de se faire déjà bien battre à un bon moment. Donc voilà. Et comme dit Warius Zero, le Alonso de la période McLaren Honda, j'ai connu des acides concentrés moins corrosifs. Ça, c'est clair. C'est clair. En tout cas, voilà. Donc, tout ça pour dire que les gens qui le résument à sa carrière, à ça, c'est un peu débile, même totalement débile. Néanmoins, je trouve que Hamilton envoie des signaux à Ferrari qui me semblent très compliqués à gérer, même pour l'équipe, parce qu'on passe d'un pilote qui, le jeudi de Spa, nous dit j'ai envoyé des documents, j'ai décidé, j'en reviens à cette actu-là, j'ai envoyé des documents au patron de Ferrari, je pense qu'il faudrait qu'on fasse comme ça, qu'on change ça, machin, j'ai des idées pour faire des choses pour que l'équipe devienne plus performante, devienne plus proactive sur certaines choses et tout ça. Donc un pilote qui explique que il a l'expérience, l'envie et la place pour changer l'équipe, faire évoluer l'équipe. Et ça, je le pense. Je pense sincèrement qu'il l'a. Mais néanmoins, on passe de ça à un pilote qui, 3 jours plus tard, dit je suis mauvais. Et 10 jours plus tard, dit Ferrari doit changer de pilote. Et je comprends qu'il soit dans le mal. Mais je pense qu'il faudrait dans ces cas-là qu'il... Bah, que soit il le dise pas, soit il soit un peu plus... Voilà. Parce que là, en fait, c'est compliqué. Il y a l'exagération, clairement. Ouais. On passe vraiment de l'un à l'autre. Et je pense que pour Hamilton, c'est pas... En fait, je pense que même quand il essaye au maximum de s'incriminer lui-même et s'accuser lui-même, en fait, au final, il doit quand même faire du mal à l'équipe parce que l'équipe voit un pilote qui est complètement démoralisé. Et bah forcément, s'il est démoralisé, si ça marche pas, il y a quand même une part de responsabilité dans l'équipe en fait. Donc je trouve que c'est un peu limite. Mais bon, après, et vous avez un Frédéric Vasseur qui après est obligé de sortir du bois et de dire qu'il n'est pas démotivé. Il est frustré, mais il n'est pas démotivé. Vasseur, il a sorti des pagaies ce week-end là. Si vous croyez que Norris faisait son autocritique, Hamilton, c'est quelque chose d'encore un cran au-dessus. Quoi. Mais c'est vrai que Toine Polaire a raison. Charles a aussi une manière de parler dans ce style-là quand ça va pas. Et je pense c'est que Vasseur, il est là pour éteindre des incendies, sort les pagaies et remet tout le monde à flot. Enfin, il bosse pas mal là-dessus, mais c'est vrai qu'il a. Il a des pilotes qui sont un peu à l'autoflagellation. Alors Norris, c'est le cas aussi. Hein. Ça l'était. Ça l'est un peu moins. Ça l'est un peu moins. Mais parce que ça va mieux. Je ne suis pas sûr que le prochain coup, il fait une connerie. Oui. Dernière fois au Canada, il a directement accepté sa faute. Alors c'était bien, hein, parce que c'était la sienne. Mais, La prochaine fois qu'il fait une connerie, je le retrouve dans un monastère à côté de chez moi, dans une petite chapelle, hein, pendant 15 jours, hein, dans le prochain Grand Prix. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Non, mais c'est vrai que... Alors Nico nous dit, a priori, il y a eu beaucoup de réunions entre Mercedes et Ferrari en Hongrie, et les rumeurs parlent de Ferrari qui essaierait de faire venir Bono. Donc Peter Bonington, l'ingénieur de Hamilton quand il était chez Ferrari. C'est vrai que ça, ça a l'air de lui manquer, parce que moi je trouve, après on n'a que les versions, que ce qu'ils avaient publié, moi j'écoute un peu plus sur les résumés, enfin les, comment dire, les on-board de course, mais je trouve la communication entre Hamilton et Adami tendue, tout le temps. Oui. Je trouve qu'on sent que c'est pas fluide, on sent que ça, c'est tout de suite directement, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est directement Hamilton rentre dedans, ce qui n'était pas du tout le cas avec Bono. Bon, en tout cas, Bono, ça va mieux le gérer, et là, Adami n'ose pas lui dire les choses en qualif, à Spa, il est obligé de demander trois fois pour avoir... Il lui dit alors comment c'est passé, bah on n'a pas amélioré, et donc du coup ça veut dire, bah machin, et oui, donc on est dehors, oui on est dehors. Et donc, c'est pas fluide, c'est pas bon, ça passe pas bien, et je pense effectivement qu'il y a un gros problème à ce niveau-là aussi. Et il faut que ce soit corrigé, alors que ce soit en faisant venir Bono ou en faisant venir un autre ingénieur, mais à mon avis, il y avait une clause, hein, ça marche pas avec Adami. Il y avait une clause au départ d'Hamilton, c'est qu'il devait pas entraîner d'ingénieur de Mercedes avec lui chez Ferrari. Ouais. Est-ce qu'il y avait une durée pour cela ou pas? Si ça discute, c'est que la durée doit être encore valide, enfin, elle peut pas encore être. Voilà, parce que si Bonington, je pense qu'à un bout d'un moment, il est quand même libre de faire ce qu'il veut. S'il doit y avoir discussion entre Mercedes et Ferrari, c'est que pour l'instant, de sa seule volonté, Bonington ne peut pas aller rejoindre Hamilton chez Ferrari, si c'est vraiment ce qu'Hamilton souhaite. Est-ce que la clause peut s'assouplir avec un gros chèque? Est-ce que Toto veut aider son ami Lewis? Il faut aussi poser la question comme ça. Hein. Est-ce qu'ils ont pris des vacances en Sardaigne ensemble? Bonington, c'est un sacré ingénieur de course. Hein. Ouais. Tu le laisses pas partir comme ça, même si ton ami Lewis il est chez Ferrari et qu'il souffre. C'est ça. La Formule 1 est un monde d'égoïste. Hein. Je pense que Wolff doit dire, s'il ne voulait pas souffrir, il ne peut pas partir. Donc, tu vois. C'est ça. Donc, le chèque encore. Non, je ne sais pas hein, comment ça peut se résoudre. Oui, en général, ça se fait par un chèque, mais voilà, c'est forcément de hors budget plafonné, c'est hors tout ce que vous voulez. Donc, Mercedes est déjà tellement rentable que c'est pas forcément ce que Mercedes recherche derrière, parce que eux, ce qu'ils voient avant tout, c'est la perte d'un avantage concurrentiel et re-renforcer un concurrent. Donc, est-ce qu'aller envoyer Bonington chez Ferrari avant 2026 pour 2026, Ferrari nous sera la monoplace du siècle? Que Mercedes est juste derrière et que ça joue à couteau tiré entre les deux, ben on pourrait dire ouais, ben Bonington il a aidé Hamilton à avoir son 8e titre alors qu'il aurait pu aider, je sais pas, Antonelli à finir deuxième des championnats pilotes. Ça peut se jouer à ce genre de choses. Donc la bonté est une chose, la volonté une autre, l'égoïsme prime toujours d'abord. Donc ouais. Là, c'est à la bonne volonté, malheureusement, de Mercedes, si vraiment c'est clair. Moi, j'ai lu effectivement une rumeur ou deux là-dessus, mais rien de concret sur les gros médias et sur les bonnes sources du paddock. Donc, on n'a pas vraiment relayé ça pour le moment. Voilà, après, ça va être vraiment leur bon vouloir. C'est uniquement ça. Comme le dit Lambeau Diablo, Benoît a aussi d'autres fonctions. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on disait, ça résume ce qu'on disait. C'est le voir partir, c'est quand même une grosse perte pour Mercedes. comme le dit Nico, il doit avoir un gardening leave de 6 à 12 mois, de toute façon, qui ne pourra pas rejoindre Ferrari tout de suite. Nico demande, est-ce que Bono en a marre de faire des P11 avec Anthony Lee, mais s'il va chez Ferrari, est-ce qu'il fera pas des P12 avec Hamilton? Donc tu vois, ça c'est un peu, là pour l'instant, c'est un peu compliqué. Objection, votre honneur. Pardon. C'est vrai que c'était un peu... Non, mais c'était par rapport au résultat ce week-end. Tu provoques, là. Non, je ne provoque... Non, mais c'est pas ça, c'est dire... Donc, sinon, on pourrait aller chez McLaren et faire des P20 avec Piastri, hein, moi, je veux dire, en 26, voilà. Hein. Voilà. Putain, j'espère qu'il sera au moins devant Alpine. Ah oui, l'Alpine, il sera 21 et 22. Bah oui. Non, mais voilà, après, je pense qu'effectivement, effectivement, je pense que c'est un peu compliqué pour enfin, en tout cas, débloquer un membre de l'équipe pareil pour juste aider un pote, alors que t'es directeur d'équipe, j'ai du mal à y croire, sachant que faut pas oublier que Wolf n'ira jamais contre les intérêts de Mercedes, puisqu'au-delà d'en être le PDG, il en est aussi l'actionnaire à 33%. Donc, les bons résultats de Mercedes, c'est aussi son argent qui augmente. Donc, dans tous les cas, je pense que. Clairement, il n'y a pas de... Et à combien chiffrer le transfert d'un ingénieur de course, quand même? C'est assez fou, parce que on sait valoriser une directeur d'équipe, ce genre de choses, mais un ingénieur de course, c'est quand même vraiment souhaité par quelqu'un d'autre. C'est assez rare dans le milieu de la F1, donc on pourrait avoir le cas, par exemple, d'un Verstappen qui partirait ailleurs et qui voudrait absolument que Lampiassé le suive. Mais voilà, des ingénieurs de course stars comme ça, qui font vraiment un duo ouais, presque... inséparable de leur pilote, c'est quand même assez rare. Donc, bah, je sais pas. Après, c'est aussi à Bonington de dire clairement ce qu'il veut. Hein. Si Bonington a envie de rejoindre son pilote, je pense pas que Mercedes non plus le retiendra contre son gré. Au bout d'un moment, il faut pas non plus être, faut pas non plus être débile non plus, et tu peux frustrer une personne là maintenant sa place parce que t'as pas du tout envie de. Voilà, ça doit, à mon avis, venir avant tout de Bonington pour que ça puisse se discuter. Mm. Si ça vient aussi de Bonington. À ce moment-là, il faut se mettre autour de la table, discuter entre gens intelligents, et voilà. Alors, la démission n'existe pas pour un ingénieur. Si, bien sûr, la démission existe, mais elle s'accompagne de conditions qui sont notamment le fait que, généralement, il y a quelques mois de break, et bah, c'est pareil, s'il s'est engagé sur un contrat... Même dans beaucoup de vos contrats à vous, personnels, hein, si vous avez un patron, en général, vous avez le clause non-concurrence aussi, hein, si vous démissionnez, en général, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le droit de... Voilà, dans des postes un petit peu à responsabilité, évidemment, hein, voilà, mais bon, au minimum, quelqu'un qui est cadre, en général, il y a une clause de non-concurrence. Ouais, exactement. Et puis après, il y a de toute façon des pénalités à payer qui sont souvent liées à la durée de contrat restante. Bah, c'est ce que dit Nico, d'ailleurs, les gros ingés sont en CDD. Donc voilà, hein, c'est. Gardening Leave, non, il peut pas s'alléger. Enfin, il peut s'alléger, mais souvent, il sera jamais en dessous de 6 mois. Hein. C'est quasiment jamais. À part Laurent Mekies, c'était 6 minutes. C'est vrai. Laurent Mekies, c'était 6 minutes. Mais la FIA, d'ailleurs, va changer ça. Et va essayer, on en parlera. On en parlera. C'était la petite dague casée, quand même. Ouais, mais justement, Bubble Boy, la FIA va. On va en reparler après, mais la FIA va changer ça. Ouais. Voilà pour Ferrari. Donc, bon, deux week-ends compliqués. Je pense que la pause va être du bien. Alors, moi, j'ai une prescription. Tu oublies juste un truc sur Ferrari, quand même, parce que je pense que dans tous les documents que Lewis s'est envoyé à John Elkann, il y avait une prolongation de contrat à Vasseur. Oui. Il a dû signer sans faire gaffe. C'était le petit piège, ça. Ok, ça je suis d'accord, ça je suis d'accord, ça je suis. Oh merde! Et voilà. Ouais, non, voilà. Bravo à Fred Vasseur pour le. En plus, c'est pas qu'une seule année, hein, parce qu'il y a eu la rumeur, c'était. On avait commencé à en parler des Silverstone, qu'effectivement ça commençait à se préciser pour au moins un an. Bah, en gros, c'est on voit ce qui se passe en 2026 avec la voiture de l'an prochain, et si jamais ça marche pas, tu dégages. Mais non, c'est, pour le coup, c'est vraiment pluriannuel. Donc ça y est, chez Ferrari, on a compris que performance peut aussi rimer avec stabilité. Et donc je suis extrêmement satisfait de cette décision, évidemment, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Vasseur aussi, ça se voit sur les réseaux sociaux, évidemment. Tout le monde lui met ça sur le coin de la tronche. Je vous rappellerai quand même que la plupart des équipes ne gagnent pas en un an ou deux. Voilà. Bah c'est ça. Hein. Donc ça c'est bien. C'est bien aussi de voir Ferrari ouais, décider un peu de faire ça. Moi j'ai une prescription en tout cas pour l'été là du coup. C'est un Xanax par jour pour Leclerc, parce qu'on va en parler, il était un petit peu tendu, et un Prozac par jour pour Hamilton, parce que vraiment il faut remonter un petit peu le moral. Non, Leclerc, on va en parler, ça a été un petit peu compliqué, parce que lui il a passé sa course, son week-end, entre l'euphorie de la pole position et une haine totale de s'être fait avoir en course, avec au programme des commentaires bien vénères à la radio, une manœuvre un peu dégueulasse sur Russell. Et puis un bon gros somme à l'arrivée, ce que je peux comprendre évidemment, hein, parce que quand on part en pôle et qu'on termine quatrième, c'est un peu frustrant. Mais voilà, on a vu un Leclerc qui est un petit peu sorti de ses gonds et qui a fait un peu n'importe quoi, Franck. La pole, c'est aussi des changements de conditions, hein, le vent et tout ça qui ont fait que voilà, McLaren s'est retrouvée un peu surprise. Et Mercedes et Ferrari ont profité, voilà, pour Ferrari pour passer les McLaren et Mercedes pour en être très proche. Donc voilà, bah, comme quoi, hein, en Formule 1, comme on le dit, ça, déjà, ça joue à quasiment rien. Là, c'est vraiment le vent qui a tourné, qui a vraiment surpris les pilotes McLaren. Et qui du coup a aussi aidé du coup Leclerc et Russell, qui ont bien vu que les drapeaux avaient changé de direction et d'inclinaison. Donc bravo à eux pour l'avoir anticipé. C'était pas du tout attendu, hein, puisque la pole était comme je crois 4 ou 5 dixièmes moins rapide que le temps en Q2. Ce qui est quand même assez rare, alors que les conditions de piste étaient quand même restées sèches. C'est vraiment pour vous dire à quel point ça fait une différence. Donc bravo pour la pole de Ferrari quand même. En plus, sur un circuit que Leclerc n'aime pas du tout, il n'a jamais été brillant, il n'avait jamais fait quoi que ce soit, ni podium, ni victoire, ni quoi que ce soit. Ni pole, donc voilà, il a au moins une pole, voilà, parce qu'on a toujours dit que Hungaroring c'était Monaco mais sans les rails. Et Monaco il aime bien et Hungaroring il n'y arrivait pas. Donc bon, au moins voilà, ça s'est fait. Et il aurait pu effectivement du coup avoir un podium, mais ça s'est pas fait. Pourtant il a fait un excellent début de course. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il se détache de Piastri. Je m'attendais vraiment pas à ça. Maintenant, on voit aussi là tout l'intérêt de rouler devant, hein, l'air propre. Hein, c'est bien, même si je vais donner un peu tout. Les coulisses de Next Gen Auto, mais on en a discuté avant la course et on a dit on va voir que dans l'air frais, ça risque d'être sûrement un peu plus facile pour lui et un peu différent d'habitude. Et on avait raison. Voilà. Tout à fait. Et voilà, et puis même Piastri se prenait 2 secondes, 3 secondes au fur et à mesure et tout. Donc il a pu du coup même avoir un avantage assez suffisant pour contrer l'undercut de Piastri. Bon, après on sait ce qui s'est passé avec Norris derrière qui a bluffé le duo de tête. Donc voilà, ça du coup la victoire n'était plus dans leur camp. Deuxième roulé, c'était quand même plutôt bien. Enfin, en tout cas, assez constant, sans aucun problème. Par contre, troisième roulé, effectivement, dégringolade totale. Au point que la première réaction de Leclerc, ça a été « Est-ce que vous n'êtes pas gouré sur mon réglage d'aileron avant au stand ?» Non. Et après, voilà, la théorie qui a été soulevée par George Russell qui suivait Charles Leclerc en le dépassé, c'était que comme fait arriver des problèmes d'usure de planche dans le passé, que sur le dernier relais, Leclerc utilisait beaucoup moins de mots de moteur en fin de ligne droite, donc pour effectivement avoir une voiture moins plaquée par les appuis aéros au sol, donc moins user la planche. Des pneus qui auraient été un peu surgonflés à l'arrêt au stand, donc ça c'était évidemment la théorie de Russell. Par contre, au point de perdre 2 secondes, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout ça. On a Frédéric Vasseur qui a réagi là-dessus, ça sort demain matin sur Next Gen Auto, donc je vous livre déjà l'info maintenant. C'est vraiment du bullshit, voilà, c'est ce qui a été sorti. Ça, quand il a fallu manager les problèmes de planche, c'était 1 à 2 dixièmes au tour, pas 2 secondes. Donc clairement, il y a un truc qui a cassé sur la voiture. Ils sont sur les données, ils n'ont en sortant du circuit, en quittant le circuit hier, ils n'ont toujours pas trouvé. Donc, ça sera au démontage de la voiture ou sur les données épluchées en profondeur à l'usine cette semaine, puisque les usines sont encore ouvertes jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, c'est 15 jours de fermeture obligatoire. Donc, c'est à ce moment-là que Ferrari saura, oui. Certainement, ce qui s'est passé pour Leclerc. Est-ce que nous, on le saura, c'est autre chose. En tout cas, on sait que c'est qu'ils ont des composants mystères, ils ont des problèmes de châssis. Mais on n'en saura jamais plus en fait. Ils ont maintenant vraiment indiqué un vrai nom de code pour savoir sur quel composant, enfin sur quelle zone de la FA se pencher quand il y a un souci. Vasseur a expliqué, non, s'il y a un problème de châssis, ça peut très bien aussi être un problème de morceau de carrosserie qui aurait pu se barrer. Mais bon, apparemment c'était pas ça puisqu'il l'aurait vu dans le pare fermé. Ça veut dire que voilà, c'est bon, entre eux c'est ou châssis ou moteur. Donc c'est un peu les deux termes qui sont utilisés. Et donc ce n'est pas un problème de moteur, c'est un problème de châssis. Et donc, pour tous les adeptes de la théorie de la planche, malheureusement, en tout cas officiellement, c'est véhémentement démenti par Vasseur. Ça n'aurait pas été 2 secondes s'il avait fallu gérer une planche. Ça aurait été 2 à 3 dixièmes de seconde, grand maximum, que Leclerc aurait perdu par tour. Ouais. Mais c'est vrai, comme il dit Nico, c'est étrange que quelque chose casse, mais qu'il puisse finir. Ça peut te remettre un ressort, ça peut te remettre une suspension qui a surchauffé. Ça peut être pas mal de choses. Hein. Moi, on voit quand même la suspension arrière a quand même changé. La date de spa, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui a cassé à ce niveau-là. Maintenant, peut-être qu'il aurait vu aussi rapidement au démontage sur le circuit, c'est vrai. Ouais. Ça peut être à l'intérieur d'un amortisseur aussi, un amortisseur qui a cassé en interne. Ça peut être pas mal de choses. Hein. Souvenez-vous, des fois les pilotes se disent la voiture va pas et tout ça. En fait, voilà, il y avait un amortisseur qui était cassé. Ça peut être de ce style-là. Donc voilà, il va falloir attendre en espérant que Ferrari communique dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer pour qu'on ait la raison exacte. Entre temps, ça sert à rien d'épiloguer quoi. Voilà. Oui. Sobret Etiquette demande à propos de Vasseur, vous ne trouvez pas qu'il exagère quand il compare la saison 2025 avec 2024? Deuxième, oui, mais c'est moins bon. Alors c'est vrai que j'ai regardé, on a 260 points pour Ferrari contre 345 au même moment l'an dernier. Il faut voir qu'il n'y avait pas une équipe qui squattait les deux premières places aussi autant que ça. Puisqu'à l'époque, Verstappen avait fait un très bon début de saison, mais il était tout seul à faire des grosses performances. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, là, c'est moins bon sur le, dans l'absolu. Après, relativement, c'est vrai qu'ils sont globalement, ils sont partis de moins loin de la tête de course qu'ils étaient l'an dernier. Mais ils ont un peu plus de mal à y revenir. Ça, c'est bien le cas. Mais c'est vrai qu'on a vu un Leclerc, voilà, qui a dit que c'était la seule victoire possible cette saison. Enfin. Ouais, hier, globalement, je pense que le débrief a dû être assez salé. Hein. Je pense que là, j'aurais bien aimé voir l'espèce de tempête qu'ont provoqué Leclerc et Hamilton quand il a fallu faire le bilan du week-end, parce qu'à mon avis, c'était un peu sportif. Oui, au moins, Leclerc s'est un peu rétracté. Alors, oui. Pas au micro de Canal+, mais non. Au micro de la Sky, juste après. Parce que voilà, Ferrari est allé le voir comme en disant « Attention, là, ce que tu dis, c'est pas du tout ce que tu es en train d'affirmer, c'est pas qui s'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé. » Donc, c'est un petit peu rétracté sur ses propos. Il a dit qu'il devait même revenir sur ses propos. Voilà, donc au moins ça. Après, voilà, bah, si quelque chose a cassé pour que ça arrive vraiment arrivé, voilà. Donc, ce qu'il a dit à la radio, c'est « Je vous l'avais dit, vous me faites pas confiance », ce genre de choses. Non, ça n'avait rien à voir avec ça, selon Vasseur. Ces problèmes-là étaient indépendants de ce qu'il avait connu en essai, notamment, parce que j'ai vu passer la chose dans le chat de la part de Stevie Chow, 49. Oui. Voilà, donc non, ça n'a rien à voir avec ça. Vasseur, effectivement, a parlé d'un petit problème, mais c'était que ça coûterait 1 ou 2 dixièmes de seconde. C'était pas ça. Et on salue Stevie Chow, puisque c'est son premier, enfin, c'était un de ses premiers messages tout à l'heure dans le chat, donc bienvenue à toi. Voilà. Effectivement, pas de langue de bois chez Ferrari, on peut au moins leur dire ça, on est plus loin des pneus de l'auto. Alors là, c'est vrai que. On est passé de la muselière totale à. au bulldog bien libre. À le troisième poste le plus important, et puis le mec le plus payé bientôt chez Ferrari, ça sera le psychologue. Hein. C'est ça, ce sera un des trois salaires qui sera. Sera hors budget de cap. Alors, pourquoi Leclerc a dit qu'il avait changé quelque chose au premier stop? Ils ne peuvent changer que sur le réglage de l'aileron. Il a dit que c'était la pression des pneus dont il parlait au oui. stop, mais c'était pas, d'après Vasseur, c'était pas que le souci, hein, en gros. Non, du tout. Mais effectivement, ça, c'est la pression des pneus qui peut changer, parce qu'en 2 secondes, le réglage de l'aileron avant, c'est compliqué. Donc, c'est effectivement la pression qui est mise dans les pneus, les nouveaux pneus. Alors, si on avait fait Aston Martin la semaine dernière, on en a parlé très loin. Et là, on va en parler dès maintenant, puisque les week-ends ont été particulièrement différents chez Aston Martin entre la Belgique et la Hongrie, pour faire un peu le topo. Ça se qualifie 19 et 20 en Belgique, ça termine 17 et 14. Et chez Aston, en Hongrie, on part 5 et 6, on finit 5 et 7. Donc, faut croire que d'un circuit très différent, ça change un peu tout. Très très bon week-end d'Aston Martin. Donc on va commencer quand même par la Belgique. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. De toute façon, ils ont été vas-y, je vais se faire sur la Belgique. Ils ont été à la rue complètement, hein. Ils étaient derniers en qualif, la voiture était nulle part, on ne les a pas vus en course. Beaucoup traîné, il faut dire, sur l'Aston Martin aussi. Oui. Donc ça n'aide pas, hein, sur un circuit très pas. Rapide comme ça. Et c'est une voiture qui du coup devient un avantage sur un circuit comme la Hongrie. Voilà, parce que du coup ils peuvent mettre beaucoup d'appui, de toute façon ça change pas grand chose à traîner, ils ont eu pas mal de grip et ils ont trouvé une voiture qui était vraiment vraiment vraiment efficace. 16 points inscrits, le plus gros total de la saison. Et voilà, c'est assez fou, je sais même pas quoi dire, c'est juste que... Le nouvel aileron avant en fait, Alonso dit, c'est vrai qu'ils savent pas l'expliquer pour l'instant, hein, donc ça va servir évidemment à l'usine cette semaine. Pareil, c'est un article qui sortira demain sur Nation Auto. À part le nouvel aileron avant qui du coup fonctionnerait extrêmement bien en corrélation avec le package qu'ils ont introduit au fur et à mesure, dont le dernier élément à Silverstone, si ça tant mieux, mais il faut le comprendre, c'est-à-dire qu'il faut valider que ça vient bien de là. Sinon, pour l'instant, effectivement, ils ne savent pas expliquer le j'appelle même pas ça un écart, mais le bond géant qui s'est passé entre Spa et la Hongrie. Sinon, effectivement, comme que les circuits sont extrêmement différents, ça, on est d'accord. Les niveaux d'appui sont complètement différents, les exigences sont complètement différentes. Et qu'avec une Formule 1 qui est hyper serrée comme aujourd'hui, puisque je crois qu'on a eu la Q3 la plus serrée de l'histoire de la F1. Oui, 543 millièmes entre les 10 premiers. Voilà, donc quand vous avez une F1 qui est aussi serrée d'histoire, c'est ce qu'on aime bien vous dire de temps en temps, c'est que vous pouvez très bien aussi bien vous retrouver, peut-être pas premier que dernier, mais on n'est pas loin, hein, troisième ligne que dernier, donc là c'était vraiment le plus bel exemple qui puisse arriver d'une voiture qui marche un peu mieux sur un circuit et un peu moins bien sur un autre. C'est ça. Et quand vous avez une Formule 1 qui se tient en 6-7 dixièmes derrière les McLaren, et ben voilà, ça peut passer du, ça peut passer d'un top 3 à une queue de peloton. Donc voilà, donc il faut juste effectivement attendre voilà, l'analyse de ça. Ils nous diront, ils aiment bien faire de bons débriefs chez Aston, donc je pense qu'à la rentrée ou pendant la pause, on aura droit à une petite interview. De, la vie de Pedro de la Rosa. Voilà, du directeur technique ou la vie de Pedro de la Rosa. Ouais, bah, il est ambassadeur quand même. Oui. Enfin, l'ambassadeur d'Alonso chez. Non, pardon, l'ambassadeur ouais. d'Aston Martin. Voilà. Mais voilà, en général, ils aiment bien quand même faire des bonnes interviews quand même, qui sont quand même assez bien fournies et bien sympathiques à faire, notamment techniques. Donc j'espère que pendant la pause, ils nous filmeront l'info là-dessus. Voilà, on va pas passer non plus des heures parce que le temps défile quand même aussi. Ouais, Stroll est juste très bon. Voilà, Stroll a été très bon effectivement. Voilà, et bah, l'arrivée aujourd'hui qui a été confirmée d'Enrico Cardile, Ferrari qui l'a enfin libéré, donc milieu de, bah, même plus que le milieu de 2025. Hein, donc dit comme ça, on dirait qu'il était dans une geôle à Maranello. Ah, le projet 2026, il a déjà largement commencé, donc sans lui, donc ce qui a vraiment mis Lawrence Stroll. Hein, en rogne, hein, puisqu'il comptait vraiment sur Cardile pour mener le projet dès le départ. Mais bon, apparemment, voilà, bah, Ferrari a fait jouer le congé de jardinage, comme on disait les Anglais, mais nous, en bon français, on dirait le préavis, jusqu'à son terme. Sachant qu'en plus, il y a même eu des bisbilles qui se sont réglées devant la cour italienne au mois de mars, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, où il y avait eu des soupçons comme quoi Cardile aurait commencé un peu à travailler en sous-marin pour Aston Martin. Ou passer quelques trucs, enfin bref, il y aurait eu des premiers échanges en tout cas, des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu, donc du coup ça avait mis un peu en rogne Ferrari, donc c'était hors de question de le libérer encore plus avant son contrat. Donc il y a eu des échanges par un avocat interposé, et voilà, et ça c'est le bon point. Maintenant, le dernier point moi que je voudrais qu'on aborde tous ensemble, c'est la santé de Fernando Alonso. J'allais y venir, parce qu'effectivement. Fernando Alonso a été absent vendredi matin en Hongrie avec des problèmes au dos hein, qui ne sont pas les premiers qu'il a et qui continuent. Ils ont dit que ce n'était pas parce qu'il avait un doute de participation, c'était pour réduire son temps au volant et réduire le temps qu'il passait avec des contraintes sur le dos. Et effectivement, il était revenu le vendredi après-midi pour faire le reste du week-end, mais j'imagine que c'est là où tu voulais en venir. C'est quand même que c'est un petit peu inquiétant pour la suite de sa carrière. J'imagine que c'était ton point. Oui, bah, tout à fait. Moi, je vois un Fernando Alonso qui a passé les 44 ans, qui est certes en excellente forme physique pour quelqu'un de 44 ans, hein, c'est donc clair. Oui. Je n'ai même pas le tiers du quart de sa forme, hein, alors que j'ai 3 ans de plus. donc voilà. Bientôt 4 ans, d'ailleurs, plus, hein, dans quelques jours. Et donc voilà, tu peux pas nier qu'il est quand même dans un super état de forme, mais des blessures à répétition hein, ouais. au niveau du dos. Hein, donc. Et ça, je pense qu'il y va un peu au courage, parce que là on est quand même juste à mi-saison, certes heureusement pour lui il y a 4 semaines qui arrivent, mais quand vous commencez à avoir mal au dos, en général c'est pas quelque chose qui se soigne facilement et ça revient pas facilement hein. Dans votre vie, une fois que ça a commencé, en général vous souffrez pendant un bon bout de temps, donc je me demande si effectivement Fernando il va pas au courage. Bon là pour le coup Hongrie il a bien fait d'y aller parce que la voiture était top. Et que voilà, il va peut-être passer 2026 et voir effectivement comment est la monoplace de Newey. Si elle est super géniale, qu'elle tape du top 3, top 2, il va peut-être se dire jusqu'en 2027, histoire de jouer au championnat, mais si c'est du top 4, top 5, pas plus. J'ai bien peur que 2026 soit vraiment la dernière année de Fernando Alonso parce que je ne vois pas ruiner sa santé si derrière ça peut pas jouer le championnat de suite quoi. Clairement, on atteint une limite. Là, avec Enzo, je suis désolé pour lui hein, et de le dire, mais c'est factuel. Hein. Quand vous en êtes à devoir manquer une libre parce que le moins de tours, le mieux c'est. Ouais, il reste 10 courses derrière. Hein. Donc voilà, je suis un peu peiné pour ça. Et du coup, ça possède du grain à moudre à Lawrence Stroll qui pourrait, quitte à ne pas virer son fils, chercher un remplaçant à Fernando Alonso s'il pouvait avoir un meilleur. Hein. Ouais. On parlait de George Russell tout à l'heure, on parlait aussi de Max Verstappen il y a quelques semaines. je n'en parlais pas, je pariais dessus. mais un Max Verstappen en 2027, si Alonso est au bout du rouleau et que la Red Bull Ford est à l'arrêt total. Ce serait pas déconnant. Est-ce que dans ce cas-là, je récupère mes 20 euros ou ça marche comment? C'est pas rétroactif. Bon, attends, on va faire ça avec. Bah, du coup, tu les places sur un livret A, on verra ce que ça te donne en intérêt, puis on verra. Nodoka nous dit le marswinage des F1 actuels ne doit pas aider. Heureusement, elle marswine plus beaucoup, mais de toute façon, la F1 est un. Comment dire forcément un métier très contraignant pour le dos, hein. Donc c'est compliqué pour lui dans tous les cas. Effectivement, comme le dit Franck, on n'en revient pas vraiment. J'ai vu quelqu'un qui disait la parole du docteur Tuzo, j'ai prescrit des choses pour les pilotes Ferrari, je vais prescrire du Voltaren pour Fernando Alonso. Non, mais plus sérieusement, j'espère que ça va aller mieux et qu'il va réussir à se poser. Mais en plus, on va arriver sur des... là. Le problème, c'est que on a eu des circuits qui étaient un peu billards récemment. Zandvoort un peu bourrin. On a également Bakou, Singapour, Austin, Mexico. C'est quand même des circuits... Interlagos, c'est quand même que des circuits qui sont assez violents. On a également enfin voilà, la fin de saison, c'est un calendrier qui est quand même bien violent. Heureusement, ça finit par deux billards que sont le Qatar et Abu Dhabi, mais d'ici là je pense qu'il y aura des dégâts de fait. Et et je pense qu'en plus de l'usure et de la fatigue, moindre accident pourrait même si c'est pas violent, hein, pourrait aggraver le problème. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Effectivement, Kimi Raikkonen avait également eu des soucis de dos en fin de carrière. De toute façon, je pense qu'ils sont quand même énormément mis à contribution. Ouais, le dos, c'est malheureusement pas un organe, pas si on appelle ça un organe, voilà, une partie du corps en tout cas qui se soigne malheureusement, enfin qui peut être soigné complètement une fois que vous avez commencé à déclencher des problèmes de dos. Ouais. En général, c'est assez irréversible. Enfin, en tout cas, ça va pas en s'arrangeant. Ou rarement, en tout cas. Donc oui, on me demande mon anniversaire dans le chat, j'ai dit c'était le 16 août. J'ouvre une cagnotte PayPal. Hein. Je ne prends pas les dons en dessous de 150 euros. Les dons réguliers sont acceptés aussi. C'est ça. Un versement mensuel de 10 euros sera apprécié jusqu'à la fin de vos jours. Ah, putain. Là, c'est pour payer Manu, hein, Justin, parce qu'il est hors de prix. Hein. Bah oui, bah, il n'arrête pas d'écrire des bouquins et tout. Mon encore, fameux salaire hors de prix. C'est ça. Bon, je pense que pour Aston Martin, on a fait le tour. En tout cas, on souhaite une bonne pause à Fernando Alonso en particulier. Et puis à Laurent Stroll aussi. C'est vrai que, comme dit, je sais plus qui, on le voit rarement sourire. Donc, c'est vrai qu'on espère qu'il va un peu se détendre. Non, mais quand il sourit trop, après, il parle plus. C'est, ça. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. On va passer à Sauber. Alors, on s'était quitté la dernière émission sur un podium de Nico Hülkenberg. Mais quel classement tu nous fais là? On n'a même pas parlé de Red Bull encore. Et non. Qui aurait prédit en début de saison qu'on parlerait à un moment à la régulière de Sauber avant Red Bull? Et pourtant, c'est vrai que on s'était donc quitté sur le podium de Nico Hülkenberg. Et depuis, Nico Hülkenberg a passé deux courses un peu compliquées. Par contre, Gabriel Bortoleto a fait 9e. En Belgique, 6e en Hongrie hier, et Hülkenberg a fait 12 et 13. Paradoxalement, Sauber a quand même perdu une place au championnat constructeur, hein, puisqu'on a oublié de le dire tout à l'heure, mais Aston Martin a progressé dans le classement de 2 places. Donc ça leur a permis, Sauber est 7e, mais c'est quand même toujours une 6e entrée dans les points consécutifs. J'ai pas regardé depuis quand c'est pas arrivé, mais je crois que c'était pas arrivé en 2022, donc après il doit falloir remonter potentiellement à 2012, hein, je pense, pour retrouver ça. Donc voilà, franchement c'est une très très belle performance. Moi je suis impressionné, je vais commencer sur ce coup là je suis très impressionné par Gabriel Bortoleto qui, on a passé le début de saison à dire c'était compliqué de juger son niveau parce que la voiture était très mauvaise, et c'est vrai que la Sauber était vraiment en retrait en début de saison, et depuis que Sauber a apporté son évolution en Espagne, on voit un Bortoleto qui est déjà très souvent devant Hülkenberg. Et en plus de ça, malgré une erreur à Silverstone en course, c'est globalement très très solide le dimanche, et au point là, d'être un candidat régulier au point. Moi je trouve ça vraiment impressionnant, et j'avoue que je l'avais pas vu venir, pas à ce point là en tout cas, pas si vite par rapport au début de saison, face à Hülkenberg qui en plus est quand même encore dans le coup, et qui, quand il est revenu en 2023 puis 2024, avait vraiment une cote très élevée, et l'a toujours du coup. Donc voilà, être au niveau face à Hülkenberg, c'est quand même très très solide pour Bortoleto. Toi Franck, qu'est-ce que tu retiens de ces deux courses du côté Sauber? La même chose que toi, hein. C'est Bortoleto a éclipsé du coup Hülkenberg sur ces deux courses là. Alors certes, Hülkenberg nous fait un magnifique podium à Silverstone, et voilà, ça a fait du bien, hein, aussi bien au pilote lui-même qu'à toute la Formule 1. C'était extrêmement rafraîchissant, ouais. Voilà, c'était un peu le running gag, hein, depuis presque 240 Grands Prix, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc au bout d'un moment, quand même, ça a payé, hein. Voilà, il faut, comme quoi, il faut être tenace dans la vie. Mais Bortoleto, effectivement, bah, il est en train de prouver que voilà, le champion de Formule 2, quand même, de l'année dernière, on l'oublie pas. Et Formule 3 l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Il apprend vite, très très vite. Et que bah voilà, c'est un excellent choix de Mattia Binotto, du coup. Voilà, personne ne l'a vu venir non plus, hein, au départ, hein, ce choix-là pour Audi, en tout cas, parce qu'on parle quand même bien d'un choix pour Audi aussi. Et parce dans le futur. Parce que c'était un junior McLaren hein, jusqu'à l'an dernier, faut pas oublier. En plus, voilà, donc il fallait le chercher aussi. Et il y a eu le nez creux, on va dire, le nez très fin aussi pour aller faire ce pari. Et puis effectivement, voilà, c'est. Bon, Toretto, meilleur rookie 2025, effectivement, la question se pose maintenant. Tout le monde aurait peut-être pu parier au début sur Kimi Antonelli, mais parce qu'il y a une Mercedes, parce que voilà. Maintenant, si on fait vraiment le ratio par rapport à la voiture, Bortoleto et Hadjar, pour moi, c'est les deux qui se démarquent clairement, un peu plus qu'Antonelli d'ailleurs. Donc, mais Bortoleto, oui, encore plus surprenant parce que c'est une sober. Parce qu'on ne voyait pas la sober comme ça, mais la sober a très très bien évolué aussi. Et certes, il manque un poil de rythme sur un tour rapide, en course, elle a un rythme absolument excellent. Donc, et encore là, en qualif, il est à 1/10 et demi de la pole. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est qui est fou. C'est ça, bah. Moi, je suis... Non, pas 1/10 et demi de la pole, pardon, 3/10 et demi. C'est les Aston qui étaient 1/10 et demi, mais 3/10 et demi de la pole pour une sober, ça reste impressionnant. On n'aurait pas vu venir, ça c'est clair. Et effectivement, en course, ça va très très fort. Très très fort du côté de cette sober. Et une très bonne gestion des pneus des deux pilotes. Donc j'imagine que la voiture est saine quand même ce côté-là. Et après, c'est avec Bortoleto pour ajouter, effectivement, c'est. J'avais déjà dit dans cette émission, mais le palmarès qu'il a en formule de promotion, c'est le même que. C'est le seul pilote avec Russell, Leclerc et Piastri à avoir été champion F3, F2 en tant que débutant. Donc c'est pas rien non plus. Bon. Et côté news du côté de l'équipe, sinon bah, pas grand chose à signer sauf pour 2026 et pour Audi qui a signé effectivement son sponsor titre, la banque Revolut. Donc, voilà, donc c'est même la partie Revolut Business qui sera plutôt impliquée. Donc voilà, donc ça fait encore un établissement bancaire de plus qui arrive en F1 avec Audi. Rien d'étonnant à ce qu'un établissement bancaire s'associe avec une équipe de F1, ils sont quasiment tous. De là à ce que ça soit un sponsor titre, ça veut quand même bien dire voilà, quelles sont les ambitions aussi de d'Audi et de Revolut aussi, hein, parce que ça a été bien expliqué. Donc, bravo à eux, hein, voilà, c'est une belle annonce qui a été faite. Hein. Audi de toute façon ne manquera pas de bons sponsors et tout ne sera pas dévoilé évidemment tout de suite. Les annonces vont se faire au fur et à mesure, mais voilà, c'était quand même intéressant d'avoir le nom du sponsor titre déjà de prochaine. Alors, je ne sais pas comment on s'appellera l'équipe encore, hein, Revolut Business Audi F1 Team ou Revolut Audi F1 Team. Revolut Audi, ouais, je pense. Ou la révolte chez Audi, il y aura peut-être des choses à faire. Il y aura peut-être des choses à faire. Révolodu, tout. Quand Binotto sera sur la sellette. Mais c'est quand même le troisième établissement bancaire qui vient sponsor titre après Visa chez Racing Bulls et Monogram chez bancaire ou financier. Ouais, Monogram chez Santander aussi à l'époque, aussi chez Ferrari. Oui. Il y avait Santander qui était aussi partenaire de la F1, UBS à l'époque. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'il y a eu la RBS chez Williams aussi, la Royal Bank of Scotland. Donc voilà, c'est le après la folie crypto, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait c'était la grosse merde. Et ben, on revient à des choses un peu plus. Oula, attention, tu vas avoir des. Bibit n'a pas duré longtemps chez Red Bull, hein, quand même, faut dire ce qu'il est. Donc, Oui, bon, ben voilà. Bah oui, non, mais c'est vrai. C'est pas non, mais que... il reste quand même pas mal d'entrées sur la crypto hein, qui sont quand même là encore. Coin, je sais plus quoi là, sur le machin. Ouais. Voilà. Il se dit même que Stake pourrait aussi rester en partenaire secondaire chez Audi l'année prochaine. C'est en train de négocier aussi. Mais voilà, après, il y a quand même, reste encore pas mal d'entreprises financières et de la crypto en F1. Oui, en crypto un peu, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a eu, parce qu'il y a encore Tezos, effectivement, je crois, et tout ça, mais par rapport à ce qu'on a eu en 2022, je crois, au pic où il y avait quasiment un chez chaque équipe. Le drama chez Mercedes, c'est quoi? C'est FTX, c'est ça? Ouais. Voilà, le gros drama de cette boîte-là aussi. Zarfoy, il y a beaucoup de mots, je pense. Ouais, Bibit aussi, derrière, effectivement, qui a eu aussi beaucoup de soucis. Donc, Et il faut oublier qu'Alpine a un sponsor crypto... Binance, non? Ouais, qui a des gros soucis financiers avec la justice. Mais c'est pas grave, Flavio Briatore a dit qu'il prendrait sa part quand le Piastri serait champion du monde. Il enverrait une petite facture à McLaren. Il va essayer de sortir un contrat d'Alphago. Mais si, regardez, j'avais dit qu'il garderait quand même. En fait, il manquera juste un truc sur le contrat, c'était le numéro de téléphone de Piastri parce que Rossi ne l'avait pas. C'est pour ça. Enfin bref, on en reviendra à Alpine un peu plus tard. Oh, ils ont son Twitter. Oui. Ils nous feront un petit communiqué sur Twitter. Ils avaient bien réussi à communiquer à l'époque. Alors on va parler d'une équipe, propriété de Red Bull, mais pas Red Bull. On va parler de Racing Bulls, qui finit devant son. Les gens font croire qu'on fait exprès. Oui, alors c'est pas du tout. On fait vraiment selon le classement. Nous, on n'y est pour rien. On les a pas foutus en fond pour les punir. C'est vrai que Racing Bulls termine donc 8e en Hongrie avec Lawson. C'était le même résultat la semaine dernière en Belgique. Ah, le championnat constructeur est pas mal, je trouve. Mais putain, tu sais que j'ai fait la même faute partout. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'ai pas fait de copier-coller, mais ça fait déjà plusieurs. Attends, faut que je vérifie un truc parce que. Non, là c'est bien écrit. Mais constructeur, je l'ai écrit deux fois comme ça. Bah écoute, c'est... au moins on voit que c'est fait main. Ça, oui, c'est fait. Elle a la mano de la manie. C'est ça. Donc le championnat constructeur, effectivement, il est 8e. Un petit peu plus compliqué, c'est deux courses pour Isaac Hadjar qui termine 20e avec un problème sur sa voiture et il s'est fait dépasser par tout le monde en course. C'était catastrophique en Belgique. Et hier, il a eu une course aussi un peu compliquée. Alors, pour lui, ça commence mal en qualif parce qu'en fait, il fait qu'un seul tour en Q3 pour ne pas rouler avec les pneus usés. Et en fait, il a dit que c'était une grosse erreur puisque j'aurais dû sortir en piste pour voir les conditions, parce qu'effectivement, les conditions avaient tellement changé qu'il a été surpris dans son tour rapide de se retrouver avec un vent qui avait changé de sens à 180 degrés et puis du coup un circuit qui était plus du tout prévisible de la même façon. Et de là, il partait un peu plus loin que ce qu'il aurait voulu. Et ensuite, il a été un peu enfermé au départ. Il a pris des graviers qui l'ont fait mal. Enfin, voilà, c'était une course compliquée pour lui. Et puis après, il a été pris dans le train DRS. Qui était juste après la 10e place. Moi, je voulais saluer Liam Lawson, qui a quand même fait une course. Alors, Lawson, globalement, était impeccable sur ces deux Grands Prix, de Q3, deux arrivées dans les points. Non, ils étaient juste en dehors de la Q3 en Belgique, j'ai un doute. Et surtout hier, effectivement, où il arrive à retenir Max Verstappen toute la fin de course derrière lui. Il a dit que c'était pas facile parce que Verstappen freine très tard et que du coup il était obligé à chaque fois de lire les trajectoires de Verstappen pour savoir où il allait aller et le bloquer et lui donner de l'air sale. Donc ça a été très. Je pense que ça a été très très intéressant pour lui aussi et formateur de devoir lutter contre celui qui est probablement le meilleur pilote du plateau et un des meilleurs dépasseurs, même si des fois il va un peu au-delà de la limite. C'est vrai qu'il a été assez sage. Donc voilà, globalement c'était plutôt pas mal pour Lawson, un peu plus en retrait pour Hadjar. Est-ce que toi tu penses qu'il y a une aversion ou est-ce que c'est il faut pas s'inquiéter pour Hadjar qui malgré tout fait quand même des résultats corrects sur un tour? Oui, après sur le problème, est-ce que le problème de la Belgique a été dévoilé ou pas? Il me semble pas, hein, non, parce ils que ont pas parlé. Isaac ne voulait absolument pas le dire au micro. Non, ils ne l'ont pas dit dans le communiqué et ils n'ont pas précisé non plus en Hongrie, donc on sait pas du tout ce qui est arrivé sur la voiture à Isaac. Donc peut-être du côté de Honda. Voilà, donc c'est voilà, peut-être de ce côté-là. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas trop le droit de critiquer quand même, hein, sur Honda, donc voilà. Et voilà, donc après, oui, puis en Hongrie, bon voilà, effectivement, si tu pars un petit peu dans le peloton, si tu loupes un peu en qualif, forcément sur ta course, c'est un petit peu plus problématique. Donc Lawson, effectivement, on profite hein, quand même de 8e place. Des bons points. Alors, des bons points, oui, mais Sauber en a marqué beaucoup. Aston Martin en a marqué beaucoup aussi. Ça. Donc ça n'arrange pas forcément les affaires de Racing Bulls au championnat. Mais en tout cas, voilà, c'est bien. Bon, moi, peut-être le petit coup au moral quand même pour Hadjar. Je pense que c'est le. Du coup, je vais peut-être faire un peu la transition pour la suite, parce qu'on ne va pas non plus passer 15 ans sur Racing Bulls. C'est le départ de Laurent Méquès, qui était quand même. Un Français quand même aussi qui adorait Isaac et qui le soutenait beaucoup. Et voilà, et Laurent du coup est passé chez Breaking News, il est passé chez Red Bull Racing. On va en parler dans quelques instants. Parce que figurez-vous que Christian Horner a été limogé. Mais là ce soir on vous sort des dingueries. On vous sort des grosses news. Là vous n'étiez pas prêts pour ça. Et du coup. Du coup, je demande effectivement si le fait de ne plus avoir Laurent avec lui, et d'avoir Alan Perman maintenant en directeur d'équipe, ça n'a pas aussi un poil déstabilisé. C'est pas forcément l'explication, mais bon. Il a quand même dit qu'il était un peu dégoûté hein, que oui. Méquès s'en aille. C'était le mot d'ailleurs. Ouais. Je suis dégoûté. Donc voilà, après il va composer avec. Et puis Lawson, forcément, au bout d'un moment, on sait que c'est pas un manche. En tout cas, c'est pas le manche qu'on a voulu faire croire quand il est allé chez Red Bull pour deux courses, et que si effectivement il a repris confiance, c'était le but. Et ben Isaac, il va devoir faire avec. Hein. Il va devoir faire avec un équipier qui va s'accrocher, et qui risque de battre de plus en plus souvent. Et ben d'ailleurs, tant mieux, ça va nous faire une belle petite bataille interne chez Racing Bulls, comme l'adore le docteur Edmund Parco pour choisir quel est son pilote préféré à envoyer chez Red Bull Racing. Ah zut, mais non, on va pas renvoyer Liam Lawson chez Red Bull Racing après. À moins que Laurent Méquès n'impose, mais ça. C'est ça. Ça m'étonnerait. Mais finalement, il y aurait une grosse commande de pop-corn. Mais oui, mais de toute façon, si Liam Lawson, par contre, se met à dominer franchement Hadjar en deuxième partie de saison, oui, ça sent un peu mauvais quand même pour une promotion d'Hadjar chez Red Bull Racing. Ouais, je pense qu'il restera chez Racing. Soyons clairs, ouais. C'est ça. En tout cas, effectivement, une grosse commande de pop-corn aurait été faite en Autriche au nom de Helmut M, hein, qui va se délecter de cette lutte intense. Effectivement, quoi, bah, l'arrivée de Alan Permen nous permet, je pense, de passer à la suite de cette émission en abordant le sujet News directement de Red Bull, ouais. Et là, on va directement dans les news. Alors, effectivement, breaking news, Christian Horner a été limogé. Arrivée de Laurent Mekies, donc il y a eu à peu près, comme on l'a dit dans le chat tout à l'heure, 6 minutes ou 10 minutes de gardening leave pour Laurent Mekies qui a été annoncé d'abord comme partant par Racing Bulls et puis il est officialisé chez Red Bull ensuite par le Red Bull Group et ensuite Red Bull Racing beaucoup plus tard dans la journée, qui n'avait pas fait ça comme tout de suite. Je tiens quand même à signaler que NextGen avait un petit peu vendu la mèche la veille. C'était pas une grosse surprise non plus, parce que dans une de nos news, on avait quand même dit qu'il y avait un conseil d'administration qui se réunissait, et que ça sentait pas bon pour Order. Ouais. Voilà, certes, on n'a pas pu faire de live directement à la sortie de cela pour différentes raisons, parce qu'on était tous un petit peu partis en mode semi-vacances, on va dire. Hein, voilà, c'était un petit peu en tout cas mon cas. et donc, c'était... C'était plus ou moins surprenant, on va dire, mais attendu, on va dire, aussi. Donc, entre le comportement de Horner, dont, a priori, c'est pas ce qui a été retenu sur ce coup-là, mais sa volonté de voir tout diriger aussi, c'est ça qui a surtout été retenu, et le fait que les performances soient vraiment en déclin. Au bout de 20 ans, il faut savoir passer la main aussi, quoi. Donc, et en ayant perdu le soutien de son actionnaire principal, donc le Shalam Yudivia, je sais plus comment, Yudivia, j'arrive jamais à le dire. Yudivia. Yudivia, voilà. Donc, c'est comme Nvidia, mais avec Ayu. puisque la proportion a changé, donc c'est 49-49 et 2% pour un trust qui joue un peu le rôle d'arbitre. Du coup, les Autrichiens sont repassés quasiment maître dans la décision et donc ont donc dégagé manu militari Horner de son poste. Il est encore employé, il est limogé à effet immédiat sans aucune activité opérationnelle, donc depuis 2-3 jours après Silverstone. Et les préavis chez Red Bull et chez Racing Bulls ne durent pas trop longtemps en général, Laurent Mekies a donc reçu un petit coup de fil, il a eu 3-4 heures pour réfléchir, il a dit oui. Donc voilà, donc le préavis réel de Laurent Mekies c'était de 3 ou 4 heures. Et ça tombe bien, il y avait une journée de tournage à Silverstone à ce moment-là, donc il a débarqué directement. Il n'y avait pas encore de t-shirt à ce moment-là. Mais... C'est ça, et donc voilà, donc Laurent Mekies qui débarque directement, directeur de Red Bull Racing, promotion. Alors pour le coup, cette promotion-là, elle n'était pas forcément attendue. Ça, c'est clair. Je pense que si effectivement, tu attendais peut-être à quelqu'un de plus expérimenté que Laurent Mekies. Alors, pas expérimenté en Formule 1, parce que Laurent Mekies, il a une énorme expérience en Formule 1, mais plus expérimenté en termes de top team et de top principal. Bon, il a quand même été directeur adjoint de Ferrari, quand même, faut pas l'oublier. Puisqu'on est content, ça nous fait encore un petit Frenchie. Un de plus. Un de plus, alors il était déjà directeur d'équipe chez Racing Bulls, mais à un niveau encore plus élevé, donc ça c'est quand même super pour lui. Christian Horner, bon après, on peut que le saluer son parcours et ses résultats. Voilà. Alors, moi je mettrais un petit. Je salue son palmarès, je ne salue pas son parcours, parce que pour moi, Horner fait partie de ces rares personnes où on peut différencier les deux dans le sens où il a un palmarès qui est énorme, évidemment, hein, par rapport. Il a fait 8 ans de F1, il y a. 20 ans de F1, il y a 8 titres pilote et puis 6 titres constructeurs. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, je trouve qu'il a aussi brillé par son manque de clarté sur certains points, notamment, un, comment gérer deux pilotes. Hein, ça, c'est quelque chose que Red Bull ne sait plus faire, ne sait pas beaucoup faire dès le départ et ne sait plus faire maintenant. On l'a vu avec Vettel-Weber, d'ailleurs. On l'a vu avec Ricciardo Verstappen. On l'a vu aussi avec Kiat qui a été jeté comme n'importe comment. On l'a vu avec pas mal de fois. On l'a vu depuis 2019. On l'a énormément documenté. Et donc, il n'a jamais su... préparer la suite, c'est-à-dire qu'il a vécu dans l'instant quand il gagnait, Mais là, il faut bien se rendre compte que Red Bull s'est effondré en partie parce que sa lutte de pouvoir pour essayer de prendre plus en plus de place chez Red Bull a provoqué juste la destruction de l'équipe, dans le sens où on a vu partir Newey, on a vu partir Marshall, on a vu partir Whitley, on a vu partir Courtney. Qui va partir, il est pas encore parti, mais, ouais, mais qui va partir. Will Courtney, on a vu partir donc pas mal de monde. On a vu justement la deuxième voiture qui s'est effondrée au point de devenir une voiture de fond de grille. Et littéralement, l'équipe reposait sur deux points stratégiques. C'était la présence de Newey d'un côté et la présence de Verstappen de l'autre. Newey est parti. Verstappen, il fait pas de miracle parce que Verstappen est un humain, hein, contrairement à ce que certains pensent. Et donc, aujourd'hui, l'équipe n'avance plus. Et Verstappen menaçait de partir aussi. Donc, Verstappen menaçait de partir aussi. Et en plus de ça... il m'a été une sortie plus digne, mais en fait peut-être pas, parce qu'en plus de ça il a quand même été ultra toxique dans l'équipe, dans le sens où il a quand même vraiment pris énormément de place, il a essayé de faire des coups pour prendre le lead de l'équipe. Il y a quand même l'histoire, on va en parler parce que personne n'en parle, mais il y a quand même l'histoire de harcèlement, hein. Oui. C'est-à-dire que quand on harcèle une collaboratrice qui est sa qui est en plus l'assistante. De ça l'assistante, et donc une personne sur laquelle il y en a un ascendant hiérarchique, c'est encore plus grave qu'un harcèlement normal, mais c'est quand même de toute façon très grave. De plus, on ne sait pas s'il y en a eu que celui-là, c'est pas impossible qu'il y en a eu d'autres parce qu'on connaît un peu le profil de ces personnes-là, et même s'il y a eu qu'elle, c'est une de trop. Surtout s'il y a une affaire qui est encore pas résolue, puisqu'elle va se faire au tribunal professionnel, puisque là-bas, en fait, ils ont une espèce d'équivalent mi-prud'homme, mi-justice, qui est un espèce de tribunal professionnel auquel passera Horner en 2026 pour cette histoire. On sait d'ailleurs qu'elle a quitté Red Bull, ça y est, oui, et qu'elle est passée à Paris chez Cadillac, voilà, d'après les informations. Ce qui nous exclut donc une arrivée de Horner chez Cadillac. Et donc voilà. Et ça, il faut quand même en parler parce que je pense que même si ça n'a pas été le dernier clou sur le cercueil, ça en a été un énorme qui l'avait mis en grande difficulté et à juste titre. Encore une fois, on peut pas, à aucun moment, on peut masquer ça derrière un quelconque palmarès ou derrière un quelconque résultat ou réussite. Et voilà. Et je pense que malgré tout, les résultats sont tellement mauvais pour Red Bull actuellement. Il faut aussi le mettre sur le dos d'Horner, c'est-à-dire que oui, il a été un excellent team principal, oui, il a été l'artisan du succès, il a su recruter les bonnes personnes, il a été l'artisan du succès d'une équipe qui roulait pas mal, presque toute seule, j'allais dire, mais effectivement, il y a eu pas mal de ses comportements ont contribué à énormément de départs, y compris son comportement sur cette histoire, et aujourd'hui, l'équipe est une coquille vide. Qui tient que parce que Verstappen arrive à faire quand même des super choses à son au volant de la RB21. Bon, Tsunoda, on va voir vite fait après sur le plan sportif, il s'en est bien rapproché ces derniers temps, et tant mieux. Néanmoins, il commence à s'en rapprocher. Néanmoins, on ne peut pas éliminer ça du bilan de Horner, et au moment de faire le bilan actuel précis de l'équipe, ça ne va plus à cause de lui. Donc, on ne peut pas garder un team principal juste parce qu'il a un bon palmarès. C'est ce qu'a fait McLaren en faisant revenir Ron Dennis dans les années 2010. On a vu où ça les a menés. Donc, pour moi, c'est normal. En fait, tout simplement, c'est la F1. C'est un patron d'entreprise. L'entreprise n'a pas de bons résultats. Justement, le premier à blâmer, c'est le patron, c'est pas les autres. Donc, Non seulement il n'y a pas de bons résultats, mais en plus, il en voulait toujours plus. Il n'a pas voulu lâcher la direction de Red Bull Powertrains. Il n'a pas voulu lâcher le marketing. Il y a eu pas mal de choses en fait, que Marco a bien voulu donner. Effectivement, c'est pas Marco qui a fait un éloge derrière de Horner. On n'a pas entendu Marco au Grand Prix de Belgique s'exprimer pendant 10 minutes à remercier Horner pour tout le parcours. Ça s'est résumé à quelques lignes dans un communiqué de presse. Mmh. Et basta, on est passé à autre chose. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a eu toute cette dernière partie. Voilà, ces deux dernières années qui ont été et mal gérées et toxiques hors piste aussi. Et avec ces luttes de pouvoir qui étaient claires, qui étaient assumées aussi. Et c'est bien dommage que ça se finisse comme ça pour lui. Alors ça se finisse comme ça avec Red Bull. Je vais peut-être faire juste ouvrir une parenthèse. Est-ce qu'il en a fini avec la F1? Il a que 51 ans, je crois. Hein, donc lui, son but, ce qu'il voulait aussi, c'est aussi des parts dans l'équipe, Red Bull. Ce que Dietrich Mateschitz lui avait refusé jusqu'à sa mort. Et il espérait en avoir via l'actionnaire thaïlandais. Oui, maintenant, est-ce qu'il pourrait revenir en rachetant des parts d'une équipe? On pense évidemment à Alpine. Parce que je pense que s'il y a bien un patron d'équipe qui n'a aucun scrupule à engager n'importe quel crapule. C'est un mot un peu fort pour Horner, hein, quand même, je tiens à préciser. Mais voilà, vu le côté toxique du personnage, Flavio Briatore pourrait très bien accueillir à bras ouverts Christian Horner, qui est un grand ami à lui. Il parlerait clairement le même langage, hein, ça c'est sûr. Avec 150 ou 200 et quelques millions à investir dans l'équipe. Après que Horner ait bien négocié évidemment ses 5 ans, il restait quand même 50 contrats à faire, hein, quand même. Donc 50 contrats, donc 5 ans payés à 10 millions, c'est au minimum 50 millions, mais après si on prend les bonus, tout ça, ce qu'il faut aussi estimer ça, ça peut aller vite tourner aux alentours de 100 millions, plus sa fortune personnelle. Oui. On estime à 150-200 millions la somme qu'il pourrait apporter à une équipe s'il décidait d'être copropriétaire. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié dans ses faits d'armes, j'ai oublié le fait qu'il a quand même, juste pour essayer d'avoir l'avantage et de faire chier les autres, il a prolongé Pérez de 2 ans l'an dernier, et donc a coûté tout le chèque qu'il a fallu faire pour ensuite licencier Pérez quand il n'a pas été prolongé, puisque c'était évidemment, il a prolongé pour 2025-2026 à l'époque, et donc il a fallu licencier Pérez en lui payant 2 ans d'indemnité. Et ça, c'était vraiment que la faute de Horner. Moi, je tiens à dire aussi que je pense que son image globale dans le sport ne colle plus avec ce qu'est la F1 aujourd'hui. Parce qu'il garde ce côté vachement toxique, comme tu l'as dit. Et là, je voulais en revenir sur les mots de Zak Brown, le PDG de McLaren, qui a dit même s'il y a toujours des aspects dans ce sport, je pense que ce sera plus sain avec Laurent Méquies, donc par rapport à Horner. Et de dire de Horner, je pense que ça allait trop loin, il y a toujours des manœuvres politiques. Mais quand on commence à s'en servir dans des allégations futiles, je pense que c'est tout simplement excessif. Donc il a rajouté il y a une limite à ne pas franchir, je pense que cette limite a été franchie, c'est malsain, et je pense que nous allons assister à une meilleure amélioration. Et après il a parlé, de la relation avec Vasseur, qui est beaucoup plus saine. Et je pense que effectivement Horner paye aussi, alors je sais pas s'il le paye en interne, mais en tout cas il paye le fait que son héritage qu'il va laisser, et même on parlait justement, Lambo Diablo disait, ça fait bizarre le silence sur tout le paddock de son éviction. Mais c'est pas du silence, parce que tout le monde en a parlé, mais tout le monde en a peu parlé en fait. Mm. Il laisse pas un énorme souvenir aux autres teams principaux, c'est pas un hommage net et très très... Lewis aurait dit Christian qui ? Ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai qu'il a pas il laisse pas un héritage super... comment dire ? Super positif, justement parce que il est très mauvais perdant. Il faut pas oublier que plutôt que regarder ce qui se passait mal dans son écurie, il a passé le début de saison à essayer de dire que McLaren trichait avec l'aileron avant, avec l'aileron arrière, avec l'eau dans les pneus, avec le refroidissement. Finalement, il avait raison. Mais non, la voiture est totalement légale. Du coup, la FIA a fait des tests pas possibles pour être sûr. Et au final, c'est pas de l'eau, c'est de l'orangina en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'était du Monster, ils ont un contrat avec. Mais non, c'était Orange, on voyait pas du coup. Oui, c'est ça. non, mais voilà, c'est. Et voilà, et effectivement, plutôt que de faire ça, il aurait mieux fait de se concentrer sur son équipe qui était en train de se déliter, continuer à se déliter, ça a commencé en 2023, avec le départ de Rob Marshall. Et c'est vrai que c'est une équipe qui, finalement, paradoxalement, au moment où elle a connu sa meilleure année de succès, était déjà en train de totalement s'effondrer. Et c'est ça qui est le plus paradoxal, puisqu'ils ont gagné 21 courses sur 22 en 2023, mais c'est le moment où tout le monde a commencé à vouloir partir parce que Horner commençait à être un peu infréquentable. Et donc je pense que ça montre le paradoxe de l'équipe et aussi le problème venant de la personne de Horner. Et j'ai tendance à penser, parce que vous pouvez dire que c'est une équipe qui est tellement il était là depuis le début, donc elle est vachement ancrée dans l'image de Horner. Et je pense que à la fois il y a du boulot pour changer cette image, et à la fois ça va faire beaucoup de bien d'avoir enfin une équipe Red Bull qui a une autre façon d'aborder la Formule 1, et peut-être que ce sera un peu plus positif. Voilà, je pense en tout cas. Voilà, c'était donc nos derniers mots sur Christian Horner. Pour l'instant, on va attendre de voir si Flavio le recrute. Mais... Oui, voilà. J'ai un doute un petit peu quand même, mais s'il y a bien une équipe où je le reverrai bien, c'est bien là-bas, malheureusement. Hein. Bah, c'est sûr que déjà. Enfin, malheureusement. Après, en même temps, il a su manager une équipe quand même. Donc peut-être que pour Alpine, ce serait pas non plus un mauvais directeur d'équipe en termes de en termes d'organisation, en termes de personnel à recruter, genre de choses. Il a quand même une sacrée expérience, un sacré palmarès. Il a pas su gérer une équipe. Mais quand on a Flavio Briatore dans l'équipe, j'ai envie de dire en termes d'image, Horner. Ouais. Mais par contre, on est tranquille. Horner, il faudrait qu'il gère avec des proprios qui font des coupes budgétaires plutôt que d'essayer d'en donner le maximum. À noter que Lambo Debo dit qu'il ne peut pas aller trop à l'air que chez Alpine. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, Ferrari n'en voudra pas, McLaren n'en voudra pas, Mercedes n'en voudra pas, Red Bull et Racing Bulls n'en voudront plus. Donc ça fait déjà la moitié du plateau. Cadillac, bah, il ira pas pour d'évidentes raisons parce qu'ils ont déjà quelqu'un. Et puis, comme tu l'as dit en plus, si la personne qui l'a harcelé fait partie de Cadillac maintenant, évidemment, il ira pas. Chez Sauber, bah, il n'y a pas de raison qu'il y aille. Hein. Whitley y est et il fait un très bon travail. Et je pense pas qu'ils vont remplacer Whitley par Horner. Chez Aston Martin, il y a New Way, donc c'est pas possible. Ça fait déjà 8 équipes où il ira pas. Il reste Haas, Williams. Williams, il ira pas chez Vols parce que totalement culture différemment. Haas, Komatsu, j'ai du mal à croire qu'il en veuille aussi. Et donc il reste Alpine. Donc voilà, c'est vite fait en fait. Tant que les équipes auront les managements et propriétaires qu'elles ont actuellement, je pense pas qu'il ait beaucoup d'options, malgré son palmarès, d'aller ailleurs que chez Alpine s'il doit aller quelque part. C'est ça. Voilà pour ce résumé exhaustif du futur de Christian Horner. En tout cas, j'espère que ça va aller pour lui, parce que financièrement, ça va être un peu short. Non, je rigole. Maintenant, la question, est-ce que c'est. Est-ce que c'est la crainte aussi du départ de Max Verstappen qui a fait que. Voilà, que le board de Red Bull en Autriche a décidé de licencier. Enfin, limoger, puisque. Ils l'ont licencié pour l'instant, limoger Manu Militari en heure. Et je pense que ça a dû jouer, clairement. Vu les rumeurs qui disent qu'apparemment ça s'est vraiment pris le chou entre Jos, Verstappen et puis un peu Vermeulen et surtout Verstappen et Horner au soir de Silverstone, j'ai tendance à penser que ça a joué, que ça a été le dernier clou pour le coup. Parce que de toute façon, en même temps, si c'était, c'était le départ qu'il fallait éviter. De toute façon, les Verstappen n'ont pas été, on l'a appris après, n'ont pas été à la petite garden party que fait toujours Horner chez lui à la veille de Silverstone. Donc, Max aurait eu un modeste estomac. Bon, évidemment, si Max n'y va pas, les autres n'y vont pas non plus. Il était sur Twitch le soir même. Voilà, c'est ça. Mais non, mais voilà. Certains nous disent que Max n'a pas provoqué, c'est pas lui qui a voulu, enfin, qu'il a acté de départ, on est d'accord. Fortement souhaité, suggéré, poussé, tous les adjectifs possibles, imaginables, oui, vous pouvez les utiliser. Il n'y a aucun problème. Le clan Verstappen, qui est donc Max, Jos et Raymond Vermeulen, a fortement milité pour que Horner dégage. Et vu que les discussions étaient avérées avec Mercedes, puisque Toto Wolff les a confirmées, hein, sous la pression de Russell, on le rappelle, hein, c'est quand même Russell qui avait lâché la bombe en premier, bah voilà, il n'y avait pas d'autre choix que de céder un petit peu, parce que voilà, vous avez perdu Newey, vous savez très bien ce que vaut vraiment votre deuxième voiture. Si vous perdez Verstappen, vous êtes une équipe de milieu de grille, voire fond de grille, hein, au mieux. Donc, il n'y avait pas trop de, je crois qu'il n'y avait pas trop de solution pour Red Bull que de se passer de Horner. Et voilà. Et puis du coup, on a un tout nouveau management avec Laurent Méquies, qui nous a vraiment fait du Laurent Méquies directement dans le texte. J'arrive, Grand Prix de Belgique. On a passé les trois libres. Tout va bien sur les deux voitures. Ok. Vous me mettez le nouveau fond plat à Yuki, hein, parce qu'il va falloir s'occuper de lui aussi à un moment ou à un autre. Et boum, ça marche beaucoup mieux, quoi. 3-4 dixièmes de mieux, et les performances sont quand même en progrès. Bon, les points, c'est pas encore ça et tout ça, mais les courses sont difficiles. De course. Mais en termes de performance pure, ça s'est très nettement rapproché de Verstappen, aussi bien à Spa qu'en Hongrie. Surtout en Hongrie, où il était à 0,163 millième de Verstappen en Q1, ce qui est son plus petit écart avec Max. Alors, Iglo nous dit, j'ai pas entendu une seule info concrète sur la toxicité de Horner qui vous ressassez. C'est pas une question d'info concrète, c'est une question de voir. C'est une question d'info concrète dans le sens où c'est des propos qu'il a tenus publiquement aussi. On en a parlé pendant des mois aussi. Ça a été documenté et ça a été clairement explicité par ses rivaux. Ça a été sous-entendu par ses collaborateurs. Il y a quand même l'histoire de harcèlement, quoi qu'il arrive, qui c'est a ça. Été clairement et nettement. Mise en avant et qui n'est pas allé en justice ou en tout cas au tribunal pour rien. Donc voilà, il faut remonter à 2024, hein, si jamais il faut remonter à un mois de février, mars, avril 2024. C'est vraiment là qu'il y a tout qui est sorti, quoi. Ouais. Clairement. Et la lutte en interne, etc. C'est vrai que là, c'est ça. C'est pas ces derniers mois que ce genre de choses est sorti. Ça s'était plutôt calmé de ce côté-là. Mais là, il faut vraiment remonter sur ces 3-4 mois de 2024 là où ça a été vraiment très tendu pour lui, quoi. C'est ça. Ouais, donc et donc, voilà, du mieux pour Tsunoda, ça fait plaisir, puisque effectivement, voilà, c'est pas encore ça, et c'est encore loin en course, mais on a vu un Yuki Tsunoda avec le sourire pour la première fois à Spa. C'est vrai que, enfin, après, c'est pour la première fois, je dis pas dans le paddock, mais en tout cas en interview, il est toujours très peu loquace et un petit peu renfermé. À Spa-Francorchamps, c'était le grand sourire, il a dit qu'il était content, il avait croisé Méquies, que Méquies lui a dit qu'il lui avait manqué, puisqu'il s'était côtoyé chez Racing Bulls. Jusqu'à un début d'année. Et voilà, que tout se passait bien et tout ça, donc il était quand même content. Je pense que ça va aller mieux. Après, je suis pas sûr que ça change grand-chose au sort de Yuki, à mon avis, qui est quand même déjà pas mal scellé. Ah ben si, le problème, enfin oui et non. Oui. J'ai envie de te dire que si, Adjar s'écroule un petit peu face à Lawson, ou en tout cas se fait dominer par Lawson, j'ai envie de te dire que peut-être qu'on se dira qu'il serait peut-être bien de laisser Adjar se faire une deuxième saison. Ouais. Voilà. Et Tsunoda, eh ben, s'il se rapproche vraiment de Verstappen et que voilà, il est sans soutenu et en confiance et il a les bonnes pièces, parce qu'il n'a pas encore toutes les pièces, et que ça va mieux par rapport à face à Max, j'ai envie de te dire que pourquoi pas laisser une année de plus Tsunoda à bord, hein, même s'il est plus soutenu par Honda. Il n'y a pas non plus pléthore de pilotes, hein, ou rappeler Perez. Non, mais c'est clair, en plus il a un bon coup. Bottas et Cadillac, il ne reste plus grand monde, hein, derrière. Hein. Il reste Mick Schumacher, ouais. Voilà, dont ils n'ont jamais voulu. Ils vont pas changer. Ils vont pas changer pour le plaisir de changer. Hein. C'est vrai qu'ils ont un bon quatuor. Si Tsunoda se rapproche de Verstappen, chez Racing Bull, ça a un duo à Jar Lawson, ça fonctionne très bien. Et surtout, les deux sont quand même dans leur première, faut pas oublier que même Lawson est dans sa première saison complète. Donc une deuxième saison chez Racing Bull, ce ne serait pas déconnant non plus. À moins qu'on dise c'était une connerie de Horner d'avoir viré Lawson. On le réintègre. Bon, Marco, je pense que ça le ferait un peu chier. Parce que je pense que c'est une connerie d'avoir promu, et je pense que c'est... ce qu'il va faire dès le début de saison. Mais voilà, mais je n'exclus pas à 7h un duo Verstappen-Lawson renouvelé pour 2026. S'il se met vraiment à surpasser Adjar sur la fin de saison. Ouais. Maintenant, si c'est kiff-kiff entre les deux, je pense que Adjar y sera pour pas garder Tsunoda. Et à ce moment-là, c'est Lindblad qui deviendrait le coéquipier de Lawson. Mais moi, je suis comme David, tout le monde le dit, qu'il faudrait quand même laisser deuxième année à Adjar. Ouais. Même si l'année prochaine les F1 changent complètement, ça, les pilotages n'auraient strictement rien à voir, du coup ça remettra vraiment le pilotage et de Max et de Adjar à zéro. Et on sait la faculté d'adaptation de Verstappen sur les, n'importe quelle voiture. Je vous suggère d'ailleurs l'excellent documentaire de Ford Performance sur YouTube qui est sorti avec Chris Harris de 40 minutes avec Verstappen et Chris Harris sur le circuit du Sambuc, hein, pas très loin de chez moi d'ailleurs, dans le sud de la France, où il parle vraiment pilotage, technique de pilotage, comment il aborde les virages, ce genre de choses, comment il s'adapte, quelle est sa philosophie de course, et comment c'est hyper intéressant. Franchement, c'est 40 minutes bien, voilà, qui sont bien utilisées pour comprendre la philosophie de Max Verstappen et son approche du pilotage, et comprendre comment il en est arrivé là et quels sont ses points forts. Franchement, j'ai trouvé ça très très bien fait. Bon, même si on ne va pas dans tous les détails, évidemment, je trouve que ça aborde plutôt bien le sujet. Oui. Donc, pour en revenir au sujet, si on a des F1 qui repartent complètement à zéro en termes d'équilibre, pourquoi pas effectivement promouvoir un des deux jeunes de nouveau, ou Lawson de nouveau, ou Adjar, à côté de Verstappen, en 2026. C'est pas du tout interdit. Ouais. Exactement. Exactement, en tout cas ça va être... je pense que aussi il y a des avancées de Ford aussi dont vous voulez parler. Oui, mais il y a eu quelques mots de Marco juste, voilà. Bon, disant que un long chemin avait été parcouru, que les chiffres étaient prometteurs. Voilà ce qui se dit, donc que ça avançait plutôt bien. Évidemment, ils n'ont pas de référentiel exact par rapport aux autres. Mercedes serait toujours quand même un petit peu devant d'après Marco, donc ça je ne sais pas d'où il le sort, mais nous... dans ce qu'on vous a déjà expliqué, c'est que la FIA a quand même des points d'étape de la part des motoristes, et elle a plus ou moins un petit peu comme une idée des performances et des points faibles et des faibles, des points forts et des points faibles de chacun par rapport à la réglementation, par rapport à ce qui est attendu, parce qu'on vous rappelle que la gestion d'énergie l'année prochaine, ça va être vraiment un des points délicats pour éviter d'avoir des courses absolument horribles où vous avez un pilote qui est obligé de faire de la recharge de batterie en pleine ligne droite. Donc c'est absolument ce que la F1 et la FIA veulent éviter. Donc autant vous dire que ça communique énormément entre les motoristes et la FIA sur l'avancée de ce côté-là. Donc tout le monde a plus ou moins une idée de comment ça avance. Et donc d'après Marco, le projet Red Bull Powertrains Ford serait pas si mal que ça. Voilà, donc... Donc écoutez, un petit espoir aussi, peut-être pour Max Verstappen aussi, hein, qui a clairement fait aussi le choix de faire confiance du coup. De faire confiance pour un an de plus au moins. Hein. Marco a dit, rien n'empêche effectivement qu'il remette sa menace entre guillemets de partir pour à 2027. Hein. Oui. Et d'ailleurs, il pourrait très bien le faire. Hein. Si Red Bull Ford est complètement à la ramasse, autant dire que je pense que si Verstappen ne bascule pas directement dans le monde de l'endurance, il cherchera d'abord à changer d'équipe en F1. Et puis voilà. Donc voilà, c'est l'équipe en nouvelle ère, nouveau chapitre, nouvelle ère pour Red Bull Racing. Marco est quand même le grand gagnant, hein, parce que c'est quand même lui qui reprend un peu on va dire les pleins pouvoirs, hein, ce qui est quand même assez fou. Alors que tout le monde le voyait éjecté il y a un an. C'est quand même temps, c'est bien parce que Marco, il est jeune, c'est un projet à long terme, donc c'est bien aussi que ce soit lui qui. C'est ça, et puis il a une bonne vision en plus, donc je trouve que c'est. Bon, puis écoute, il a que 82 ans, quand tu vois Kecleston, il est encore dans le paddock à 94. Hein. Oui. Peut-être que Marco sera papa dans 8 ans, on sait pas. Ça se trouve que Marco il sera encore en F1 que moi je serai déjà à la retraite. Hein. C'est possible. Pour ceux qui n'ont pas capté la vanne sur le papa et qui ne savent pas, avec les sauts, elle était papa à 91 ans. Voilà, donc, fais ce que vous voulez, cette information, et je la partage avec tout le monde. Il n'a que 3 ans, son fils, non ? On a vu dans le paddock ? 4, je crois. Ah, 4, ouais. Il va avoir 95 ans. Hein, il était papa après ses 90 ans, et je sais que le gamin a plus de 50 ans d'écart avec sa grande sœur. Bah, vous démerdez avec ces informations, est-ce que vous en voulez ? Moi, je balance, hein, je suis généreux, je vous donne des statistiques et des anecdotes. C'est factuel, hein, en même temps. Et c'est purement que de... Ça fait un bon sujet de fond pour le mois d'août, ça. Allez, on peut faire ça. Est-ce qu'un patron de Formule 1 peut devenir papa plus de 90 ans ? Ça fait 4 heures. Non. Non, par contre, il y a une très bonne question qui était posée, c'est est-ce que beaucoup d'autres patrons d'équipe se voient encore pendant 20 ans F1, comme l'a fait Horner ? Et ça, c'est effectivement. Vrai. À part Toto Wolff, qui en approche. Et qui, lui, est aussi actionnaire. C'est que des gens qui ont moins de 2 ans, moins de 3 ans à tête d'une équipe. Hein. Bobby Wolf, c'est 2013 et les autres, c'est 2023. Donc là, on en est à un point. Ou fin 2022, même pour certains, ouais. Ouais, c'est ça. Où Wolf, Vasseur et tout ça sont parmi les plus anciens, les plus expérimentés. Donc c'est assez marrant. Et effectivement, c'est beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui et beaucoup de directeurs d'opérations aussi. Donc voilà, c'est pas mal. Oui. C'est assez intéressant de voir Je suis sûr que tout le monde a lu l'article sur Next Gen Auto, évidemment. J'espère bien, il était très intéressant. Voilà. Sinon, vous le recherchez. Exactement. Sur le jeunisme des... Enfin, le renouvellement des team principals. Qu'est-ce que... Non, j'ai me semblé rater quelque chose. Ah oui, alors, il y avait vite fait, parce que ça a été abordé par les gens dans le chat, le petit bisbille entre Hamilton et Verstappen. Ah bah oui. Alors bon, effectivement, Verstappen a fait un petit peu du Verstappen, mais je l'ai trouvé presque moins pire que d'habitude. Après, je sais pas si c'est moi. Je sais pas si c'est moi qui commence à être un peu plus. Comment dire ? C'est moi qui commence à être un peu plus dans l'acceptation avec Verstappen, mais. On est surpris surtout par la manœuvre d'évitement de Hamilton, je pense. Ça, on s'y attendait pas forcément. Après, c'était no action pour ça, donc no action pour ça. Écoute, ça a été jugé comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'angles, on n'a pas eu beaucoup tout analysé non plus. Un endroit un peu particulier aussi, hein, virage rapide. C'est pas du tout un endroit où on va plonger en freinant. On soulage l'accélérateur. Hamilton oui. s'écarte intelligemment pour l'éviter. Par contre, moi, je m'attendais quand même à ce qu'il prenne une pénalité parce qu'il. Parce que voilà, il le passe quand même. Ouais, je sais pas, il le passe quand même un petit peu en le poussant un peu, en le forçant un peu hors piste, mais bon, finalement non. Donc un peu spécifique cette sanction. Et puis bon, puis finalement, on a appris que le pilote, quand il est convoqué devant la FIA, bah, finalement, il n'est pas tenu de s'y rendre, puisque c'est son représentant chez Ferrari qui l'a défendu. On savait déjà qu'ils ont le droit de ne pas s'y rendre s'ils ont envie. Hein. Après, c'est vrai que souvent, ils vont eux-mêmes parce qu'ils ont leur vision à défendre. Bah, normalement, pour un accrochage, tu es censé y aller. Ah ouais ? Bah oui, puisque tu es quand même censé. C'est toi qui es dans la voiture, c'est pas le représentant de la. Ferrari qui est dans la voiture. Donc, c'est pourquoi tu as pensé à ça et fait ça en ce moment. Ouais. Si c'est pas dans la salle des commissaires pour répondre aux questions. J'étais quand même hyper surpris. Bon, bah, écoute, il n'y a pas eu plus de suite que ça. En tout cas, Verstappen, lui, il a quand même bien noté qu'il n'est même pas venu se défendre. Donc, il a raison, hein, il a raison de le dire, hein, de le faire. Je pense que Lewis, il avait tellement ras la casquette que ça, de toute façon, il n'était pas dans les points. Donc, au pire, il s'est disqualifié. Je ne sais pas ce qu'ils auraient pu lui coller comme truc. Ils avaient vraiment envie de l'embêter ou si c'était vraiment obligatoire. Mais je suis quand même assez étonné parce que du coup, c'est un petit peu un précédent. Que pour une manœuvre comme ça, où c'est vraiment deux pilotes et deux jugements de pilotes qui sont en cause, le pilote puisse se faire représenter par quelqu'un. Ça, je trouve ça absolument fou. Quoi. Bon, après, c'est moi, mais je pense que beaucoup de gens dans le chat partagent mon avis. Je pense qu'ils ont vu aussi que c'est pas l'avantage du pilote, parce que du coup, il a pas été spécialement défendu par Ferrari, qui savait pas trop quoi dire pour le défendre. Oui, sur ce cas-là, mais imagine sur un autre cas où c'est beaucoup plus litigieux. Bah ouais, mais du coup, c'est du moment que c'est pas l'avantage du pilote de pas s'y rendre, et c'est pas un souci, tu vois ce que je veux dire. S'il fait le choix de pas s'y rendre et qu'il perd, bah tant pis. Après. Ouais, bon, c'est ça veut dire un peu prendre la FIA pour des cons, quoi. Ouais. Clairement. Hein. Ouais, je sais pas. Là, clairement, tu dévalues le FIA. Hein. Ouais. Après, peut-être qu'il s'est dit que de toute façon, à partir du moment où il jugeait pas ça en course, alors que pour lui c'était clair, il avait pas forcément besoin d'en dire plus, je sais pas. Parce que c'est vrai que. Je voilà. s'en souvenais même pas alors. Ouais, je crois qu'il n'y a plus rien à foutre. Mais après, c'est vrai que la FIA devrait pouvoir juger elle-même de ce genre de comportement. Au bout d'un moment, il n'y a pas accrochage en plus. Hamilton sort volontairement. Voilà, c'est. Ils ont qu'à dire, bah oui, effectivement, l'attaque de Verstappen est un peu trop limite. Ou, j'ai eu l'impression quand même que ça aurait pu passer. Parce que, voilà, après, je sais pas. J'ai pas. C'est vrai que je me suis pas trop penché sur le sujet non plus. C'est. Mais bon, en tout cas, ouais, c'était un peu. C'est un peu controversé. Ça aurait été un autre pilote, j'aurais dit, c'est controversé. Verstappen, il a fait 10 fois pire, 15 fois dans la dernière année, donc je suis tenté de dire, bon, c'est pas. On a vu pire, quoi. Mais bon. Voilà, c'est balèque au bout d'un moment. Bon, c'est Verstappen. Ouais, bon, ça va. J'y vais pas. Rappelez-moi quand il foutra vraiment quelqu'un dehors. C'est ça. Rappelez-moi pour Abu Dhabi 2021, s'il vous plaît, j'attends toujours. Oh, me relancez pas. En plus, écoute, il faut toujours parler d'Abu Dhabi 2021 au moins une fois dans, dans l'émission. C'est on vrai. L'a fait. Voilà. Je vais pouvoir ne plus y penser pendant 4 semaines. Qu'est-ce qu'il y a Stroll à la place de Milton, il y a carton. Ouais, bah ça, après, tu sais pas, on peut pas non plus juger de ce qui serait passé avec un autre pilote, etc. Là, Hamilton décide de sortir. Peut-être que d'autres auraient. Voilà. Peut-être que Verstappen aurait freiné aussi, on sait pas. Hein. Il a des réactions quand même rapides, donc voilà. On va passer à Williams. Alors Williams, c'est un petit peu, je ne sais plus comment juger cette équipe parce que entre elle s'est fait démonter par Carlos Sainz pendant les 3 semaines. Alors déjà ouais, Sainz est virulent et je serais tenté de dire avant d'être virulent, il faudrait peut-être être un peu plus proche d'Albon. C'est ça. Un petit peu, parce que voilà, c'est bien beau d'être, oui l'équipe est pas au niveau machin, bah gros t'es pas au niveau non plus. Hein. Il faut, il y a un moment où il faut aussi se remettre en question. Certes, il a des problèmes à s'adapter à Williams. Certes, Williams lui donne peut-être pas toutes les clés qu'il aurait envie d'avoir. Mais il savait très bien qu'il est dans une équipe qui n'a pas les moyens de Ferrari. Ça, je pense qu'il est, c'est évident qu'il n'y a pas les moyens et pas le passif de Ferrari. Donc, il arrive dans une équipe qui est un peu plus en reconstruction et qui n'est pas dans la, qui n'est pas dans la, dans la, dans, dans une, comment dire, dans une exploitation optimale des choses comme Ferrari. En tout cas, voilà, en termes de process, de matériel, etc. Et je trouve que c'est facile, au bout d'une demi-saison ratée de sa part, pendant qu'Albon fait quand même beaucoup de points, de dire oui, on me donne pas ce que j'ai besoin, machin. Au bout d'un moment, c'est mignon. Mais alors là, effectivement, il fait un très bon résultat lors du sprint à Spa-Francorchamps. Il termine 6e. Le lendemain, il termine 18e alors qu'Albon fait 6e à son tour. Donc c'était assez compliqué déjà de jauger le week-end de Williams à Spa. Et puis ce week-end en Hongrie, c'était la catastrophe. À un moment, Albon a dit qu'ils avaient le rythme pour le top 5, mais on les a jamais vus dépasser le top 15 quasiment. donc c'était assez compliqué. Moi, ce que je retiens par rapport à. J'aurais déjà vite fait aborder les propos de Sainz, après je te laisse me dire ce que tu penses de Williams, mais je trouve que Sainz s'est un peu gonflé parce que Albon, pour l'instant, c'est 54 points. Carlos Sainz, pour l'instant, c'est 16 points. Voilà, je pense qu'avant de remettre l'équipe en question, il y a aussi un petit peu de balayage à faire devant sa propre porte. Et je te laisse me dire ce que tu penses de ces 3 semaines chez Williams qui ont été un petit peu agitées et un petit peu inquiétantes. La période d'adaptation de Williams, c'était quand même un petit peu longue, on va dire, pour Carlos. Donc, bon, c'est cette période-là. Mais c'est vrai que depuis, bon, il est quand même plutôt en plus dans le coup. Hein, je veux dire, il est dans le rythme d'Albon et tout, mais pas toujours. Et quand il n'est pas dans le rythme, c'est la faute de l'équipe. C'est une erreur opérationnelle, c'est la fiabilité aussi. Hein, faut le dire, là, par contre, pour les deux pilotes, c'est vrai que ça leur a joué des tours. Il y a eu pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il s'est un petit peu lâché et s'est lâché à un moment un petit peu stratégique aussi parce que il s'est lâché pendant que on parlait beaucoup de la rumeur du départ de Max Verstappen. Hein. Si vous voyez où je veux en venir, sur qui pourrait remplacer Max Verstappen un jour chez Red Bull, qui n'a jamais eu sa chance. On parle bien d'un certain Carlos Sainz, voilà. Je pense que c'est pas en se faisant éclater par un pilote qui s'est fait éclater par Verstappen que ça va être. Voilà, mais bon, voilà, il y a quand même des choses. J'ai jamais compris pourquoi Red Bull m'a pas donné ma chance. J'avais le niveau. Je me serais très bien entendu avec Max Verstappen. Il a quand même multiplié pas mal les déclarations. Sur un podcast, c'était le High Performance Podcast qui avait été tourné juste après le départ d'Horner. Donc clairement, il y avait un peu de politique dans ses paroles, quoi. Donc je sais très bien que j'ai pas rejoué une équipe qui a le niveau de Ferrari. Enfin voilà, c'était bien lâché. Donc bon, à part ça, voilà, après le reste, si, il a quand même, ouais, il a quand même poussé l'équipe quand même à avancer ses évolutions, voilà, puisque bah, James Wolfe l'a quand même souligné. Les dernières pièces qui étaient auraient dû sortir après la pause estivale sont sorties donc avant. Donc c'est sous la pression un petit peu de Carlos. Donc bon, voilà, on sent quelqu'un qui a quand même envie de driver l'équipe vers l'avant, qui a envie quand même que ça réussisse. Donc voilà, il y a eu un peu de salles d'ambiance, j'ai envie de dire, du côté de Carlos Sainz. Le côté un peu soutien, j'ai envie de driver l'équipe à monter, c'est le projet, ça a toujours été le projet. C'est pas bien grave 2025, l'important c'est 2026, 2027, 2028. Et de l'autre côté, dans les interviews médiatiques, bon, bah, voilà, je glisse quand même que si j'en suis là, c'est que l'équipe a quand même pas mal péché, a quand même pas mal fauté sur des choses sur lesquelles elle ne devrait plus fauter. Donc voilà, c'est pas super cool la parole de Carlos, je trouve. Ouais. D'autant que en Belgique, il a un peu remis le couvert le samedi en disant oui, je suis 6ème du sprint, j'ai enfin le résultat, je mérite, parce que pour une fois, il n'y a rien qui s'est mal passé. Le lendemain, il fait 18ème. C'est un peu short. Et je trouve que c'est un agacement qui, pour moi, montre que lui aussi, à la manière d'un Hamilton, n'a pas trop de clés sur comment retomber sur ses pattes après un changement si important entre deux voitures. Et je pense que là où Hamilton n'arrive pas à se faire à une voiture qui n'est pas du tout dans son truc, c'est un peu pareil pour Sainz. Et je pense qu'il s'agace un peu. Mais bon, après, et ben dans ces cas-là, là, c'est là qu'on peut saluer, même si elle est excessive, la réaction d'Hamilton, qui au moins ne rejette pas sur l'équipe la faute et dit je ne suis pas au niveau, alors que Sainz, ben. Oui, c'est, et encore c'est... Oui, encore Hamilton, on parle de 1 ou 2 dixièmes. Hein. Ouais. Là, c'est pas 3 dixièmes de Tsunoda. Et encore, dans les bons jours, où ce que se prenait Albon Sainz au début d'année, où c'est 4-5 dixièmes. C'est ça. Hein. En plus de ça, ouais, Sainz, je trouve ça assez fort au bout de 14 courses, déjà, enfin même 12 du coup. Donc la mi-saison, de charger comme ça l'équipe, c'est pas. En plus, on sait très bien que là où ça détonne énormément et où je suis pas sûr que ça risque de durer comme ça. C'est que James Vowles a bien dit dès le départ que lui n'était pas du tout dans la culture du blâme. On voit que Albon est pareil. Albon dit toujours il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais il dit jamais l'équipe. Il dit on doit comprendre ce qui s'est passé. Voilà, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et ce comportement de je gagne, l'équipe perd de Carlos Sainz, c'est pas du tout ce qui s'inscrit chez Williams depuis 2023. Et je suis pas sûr que ça plaise longtemps à Vowles. Et encore une fois, ça renforce aussi la possibilité, la place d'Albon et le mental d'Albon, qui lui est parfaitement inscrit dans la même idée et le même esprit que l'équipe. Et voilà, après, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que je comprends pas trop. C'est vraiment une énigme pour moi, Williams, savoir où ils en sont. Mais c'est vrai que là, je pense que la fin de saison va être compliquée pour eux parce qu'ils ont eu leur évolution récemment et ça a pas vraiment apporté ce qu'ils voulaient. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué jusqu'à la fin de l'année. Mais ils le savaient, ils l'ont déjà prévenu, dès le début de l'année, ils ont prévenu que ça allait être compliqué de toute façon. Ça allait moins que prévu quand même. Ça allait moins que prévu parce qu'ils ont fait un énorme début de saison et c'est juste qu'ils savaient très bien qu'à partir du moment où ils allaient plus amener d'évolution, les autres allaient les dépasser. Bah là, si Aston poursuit comme ça, ça va se passer. Peut-être Sauber. Ouais, faut pas oublier qu'après sa dernière évolution de soufflerie et tout ça, Williams joue top 4, top 5 à Miami hein, quand même. Hein, donc on en est loin aujourd'hui. Dans le genre équipe, pas très facile à comprendre, on a aussi As. Mais là, c'est pas très facile à comprendre. Mais il y a même plus trop de fulgurance sur ces deux dernières courses. Zéro point en Belgique. Il y a eu le sprint qui a été très bon en Belgique avec les deux voitures dans les points. 5e pour Ocon, 7e pour Berman. En course, c'était 11e pour Berman, 15e pour Ocon. Et hier en Hongrie, 16e pour Ocon, 20e pour Berman. L'équipe est repassée à la 9e place du championnat. Et là aussi. L'énorme problème, c'est un peu manque de performance, mais surtout manque de constance. La voiture est vraiment difficile à comprendre pour Ocon et Berman. Oui, j'ai pas grand chose de plus à dire sur As en ce moment. C'est vrai que le sprint était très bon en Belgique, ouais. Effectivement. Ils étaient partis directement sur de bons réglages. A priori, c'est aussi ça qui les a un petit peu sauvés. Oui. Évidemment, pas de pluie, donc très peu de charge. Très bonne vitesse de pointe, ça. Très bonne vitesse de pointe, pardon, sur la As, donc ça a bien aidé sur le sprint. Après, c'est plus compliqué effectivement quand il y a besoin de sous la pluie. Je pense que c'était un peu plus compliqué, des mauvais choix aussi de réglage. Pas pour les deux, je crois que c'était Berman qui était déchargé, Ocon qui est chargé, le contraire. Je n'ai plus le contraire, je crois. Mais le contraire, effectivement, voilà. Et en Hongrie, on sait par contre que c'est le châssis, l'aéro de la As, c'est pas forcément le meilleur du peloton. Donc ça vise pas très haut, même si je pense que Berman il a boxé dans une catégorie supérieure à ce que valait sa voiture sur cette course. J'ai l'impression que Berman est en train de reprendre un petit peu l'ascendant sur Ocon, comme un petit peu au début de saison, on s'inquiétait un petit peu pour Esteban. Ça s'était un petit peu inversé, mais là sur cette course-là, en tout cas, Esteban était quand même un peu plus largué que Oli. Oui. Peut-être aussi une question de réglage, hein, même si là pour le coup il y avait trois essais libres, il y avait le temps de bien régler la voiture. En plus, Esteban, il adore ce circuit. Donc ça, c'est ça qui est un petit sac en plus qui est un petit peu frustrant, à mon avis. Voilà, il s'est quand même imposé, hein, avec une Alpine, donc c'est pas un mince exploit. Mais en plus, c'est un circuit, voilà, qu'il adore vraiment. Enfin, tous les pilotes adorent piloter sur ce circuit. Sur un tour rapide, c'est assez jouissif. Si vous faites du simulateur ou autre, d'ailleurs, je vous le recommande. Hein. C'est pas forcément le premier circuit auquel on pense, mais en termes de pilotage, c'est Ouais, vraiment. c'est technique et quand vous avez le bon rythme, ça marche Ouais, vraiment c'est ça, bien. les enchaînements, ils sont vraiment jouissifs. Donc bref, voilà, c'est la petite aparté sur le fait que les pilotes adorent piloter sur ce circuit. Les courses sont toujours un poil plus difficiles, mais bon. On peut quand même dépasser en Hongrie, c'est pas ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, quand la ligne droite des stands était beaucoup plus courte. Voilà, donc non, pas grand-chose de plus à dire sur As. En plus, ils n'ont pas tellement en plus de news à part, sur lesquelles on peut en plus rebondir pour parler davantage d'eux. Ils n'ont pas eu d'annonce, voilà, pas de choses en particulier. On soupçonne bien que vu le budget qu'ils ont, ça doit bosser déjà à fond sur 2026. Clairement. C'est quand même un gros projet hein, quand on refait une nouvelle voiture au complet et que du coup on est vraiment obligé de partir de zéro et que c'est votre projet à vous. Voilà, que même si Ferrari va fournir des pièces, il y a quand même énormément de choses à concevoir de votre côté. Je pense que c'est aussi ceci qui explique cela et que je pense que l'avant-dernière ou la dernière place du championnat, ça va jouer entre eux et Alpine hein, à ce rythme-là. En tout cas, Clairement. je ne les vois pas remonter. Moi non plus, pour l'instant, je trouve qu'il y a un gap qui est en train de se faire entre As Alpine et le reste, et Williams qui est un peu juste devant. Et justement, du coup, on va parler de Alpine, enfin d'Alpine. Alors en Belgique, Colapinto a terminé 19e, Gasly arrache le point de la 10e place, une deuxième entrée dans les points consécutifs après Silverstone. En Hongrie hier, 18e pour Colapinto, 19e pour Gasly. Colapinto est passé en Q2, a fait 15e sur la grille. C'est la première fois depuis son arrivée qu'il battait Gasly. C'était la deuxième fois de la saison seulement que Gasly était battu en qualif. Sa première, c'était par Jack Doohan juste avant son éviction. Et puis bah, en course, pas de rythme. Il perd 3 places pour Gasly, 4 places pour Colapinto au départ, je crois, ou l'inverse. Non, c'est ça, c'est 4 pour Colapinto, 3 pour Gasly. Il se retrouve en fond de grille, puis il reste en fond de classement toute la course. Bah moi, je dis bravo Viry, hein, parce que le moteur est pourtant très, très Oui, important et sur le ça marche bien à Spa hein? et pas en grille. Voilà. Donc, non, mais effectivement, encore une fois, on a jeté les ingénieurs de Viry sous le bus en disant oui, le moteur, c'est de la merde, machin. Bah, je crois que le châssis, il est vraiment pas bon du tout. Et puis voilà, à part ça, Colapinto fait moins de crash cette année, effectivement, dans le Diablo. C'est vrai qu'il y a des progrès chez Colapinto, et il est quand même moins largué par Agassi qu'il l'était quand il est arrivé. Mais ça reste Oui, quand ça même se rapproche, oui. compliqué. Ça se Ça se rapproche. rapproche quand même pas mal. Néanmoins, ça reste compliqué, je trouve. Et puis, bah, je trouve que oui, globalement, c'est délicat comme situation pour Alpine, parce qu'ils sont quand même très loin en championnat, et ça a l'air de vouloir aller mieux sur la suite. Oui, bon là pour le coup ils misent vraiment que sur l'opérationnel pour essayer de faire des petits coups d'éclat et choper quelques points, hein, puisque ils l'ont dit, eux la priorité c'est 2026, clairement. Et ils ont bien raison, hein, je veux dire, Bien sûr. les personnes ne va dire le contraire, là. C'est vraiment la chose à viser pour eux. Maintenant les déclarations de Pierre du début de saison, on vise le titre, parce que pourquoi on ne devrait pas viser le titre? Ça me semble un petit peu optimiste. Un petit peu, Un hein? peu. Même si le moteur Mercedes est le meilleur du plateau, il va quand même falloir se sortir un peu les doigts, comme on dit. Il y aura quand même au moins Mercedes, McLaren et Williams à affronter, quoi. Du côté d'Enstone, effectivement, il y a quand même du taf. Donc, même si Sanchez, c'est pas le dernier venu, qu'il a un certain talent, soit selon Claire, j'ai un peu peur qu'on lui ait enlevé un peu trop de ressources pour pouvoir bien faire son travail. Mais bon, on peut tout à fait être démenti l'année prochaine. Hein. Personne ne peut préjuger de ce qui va se passer l'année prochaine. Ah ouais, je peux bien parier 20 balles sur le fait que Alpine sera pas champion. Alors s'il faut, j'ai Ok. aucun problème. Et là, je peux même mettre 5. Là, je peux monter à 50 s'il faut. Allez, 500. Non, 50, 50. Les Il y a 500 que... aussi, ils seront pas champions du monde l'an prochain, Alpine. Enfin, franchement, Non, mais il y a aucun scénario dans lequel ça passe. Non, mais je relève pas le pari, même à 500, hein, je veux Mais dire. oui, bien sûr. Je veux pas perdre 500 balles non plus. Soyons clairs. Il y a aucun scénario auquel ça passe. Ça, Bah, c'est aucun, évident. non. Ah non. Si, Bah. si, si, ça peut quand... rien ne l'interdit, je veux dire, sur le papier. Maintenant, il y a peut-être plus de chances qu'Alpine gagne le championnat du monde que nous, on gagne à l'Euromillion. Oui, clair. Mais ça fait quand même... Oui, ils ont une chance sur 11, techniquement. Voilà, mais si tu joues pas, tu peux pas gagner. C'est donc, ça. Eux, ils vont jouer. Nous, on joue pas. Le truc, c'est qu'encore une fois, c'est la seule équipe qui ne recrute pas des gens. C'est la seule équipe qui a viré des gens. Oui. Et virer 300 personnes à Enstone, parce que voilà, Viri a été suspendu, mais ils ont aussi viré des gens à Enstone. Virer 300 personnes quand tu démarres un nouveau programme avec là où tout le monde recrute, justement parce que ce programme-là est très contraignant, ben, pour moi, parce qu'il faut oublier qu'en fait, à la fois 300 personnes, enfin du monde en moins, c'est l'aéro, c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, il la prendra Mercedes l'an prochain. Donc, c'est pas la boîte de vitesse, mais c'est l'aéro, c'est le châssis, c'est l'intégration moteur, parce que c'est des gens qui vont pas aller bosser avec les ingénieurs de Mercedes. C'est tout. Tout est réduit dans sa force de frappe. Donc voilà. Et puis de toute façon, le management sera quand même toxique avec Briatore à la tête. Ouais. Et puis voilà. Donc je vois pas d'amélioration. Je vois peut-être des améliorations du moteur, mais quand on voit ce week-end à quel point le moteur n'est pas l'élément principal des performances foirées d'Alpine, je vois pas à quel moment ce sera mieux l'an prochain. Moi, pour moi, l'an prochain, ils sont encore flop 3 du plateau, hein, honnêtement. Dans les bonnes nouvelles, on va dire, quand même, parce qu'il y en a quand même une, c'est que y a Renault a un nouveau PDG. Oui. François Provost. Ne pas confondre avec Franck Provost, évidemment. Franck Provost ferait des coupes budgétaires, lui, par contre, du coup. on va pas relancer un truc sur Blue Sky, là. C'était un peu tiré par les cheveux, tout ça. Bref. d'ailleurs, suivez-nous sur Blue Sky. Hein. Oui. Et sur Blue Sky, et sur Twitter aussi. Parce qu'on fait beaucoup de posts, mais on fait aussi des blagues, des fois. Alors. C'est ça. Donc, et on est plus, voilà, plus, on réagit plus sur Blue Sky, qui est quand même beaucoup plus sympathique. Donc, le nouveau PDG de Renault a dit, quand même, apparemment, dans la conférence aux actionnaires, donc en privé, suite à sa nomination, que le programme F1 n'était pas touché. Mmh. Donc c'est a priori une bonne nouvelle, en tout cas à court et moyen terme. C'est ça. Voilà. Maintenant, l'autre bonne nouvelle, ce serait que Alpine réussisse à recruter un autre top pilote aux côtés de Pierre Gasly. On sait déjà que ça va pas être Valtteri Bottas, puisqu'a priori il est quand même en bonne voie pour signer chez Cadillac. Mmh. Colapinto, je pense malheureusement pas qu'il fasse plus loin que la fin de saison. Et la rumeur Perez revient. Moi j'y crois. Ouais, pour moi c'est le seul pilote top, et je mets top avec des guillemets parce que malgré tout c'est pas un top pilote, mais c'est le seul pilote expérimenté avec du niveau qui voudra aller chez eux. Et du budget. Et ça fait une prime pour Flavio en plus. Voilà, donc Perez, son budget, Gasly, ce qui vaut par rapport à la France, parce que mine de rien, pour l'instant c'est considéré comme une équipe française, juste par le nom Alpine, hein, voilà. Donc c'est assez dingue parce qu'il n'y aura plus de moteur Renault, on le rappelle. Voilà, Mick Schumacher a été officiellement écarté. Voilà, ils ont dit non, ça c'est clair, rien à espérer. Donc voilà, c'est Colapinto qui reste, j'en doute fortement. Polaron, je ne le vois pas. S'ils peuvent voir, non, mais ouais, s'ils peuvent voir un Perez, pour moi, Perez sera top, top sur la liste parce que de toute façon, il a quand même le talent, il a l'expérience, oui. Et il a l'argent. Il a tout ce qu'il faut, il a tout ce que cherche Alpine. Et il a l'envie de revenir. Oui. A priori. Donc. Et il a l'envie de revenir, et de toute façon, il n'y aura pas non plus, il n'y aura pas des milliers de choix devant lui. Donc, voilà. Moi, je pense que pour moi, les Cadillacs. Il reste Cadillac quand même. Hein. Il reste Cadillac aussi. Qui est, ouais. Si Cadillac va sur un duo Bottas-Perez, ce qui n'est pas impossible. Ouais, sauf que Cadillac, ils aimeraient bien un jeune américain. Et vu les résultats de Jack Crawford récemment, j'ai tendance à penser qu'ils vont finir par se dire que ce serait pas mal de le mettre avec un pilote expérimenté. Bah, figure-toi que c'est plutôt Felipe Drugovich qui tiendrait la corde. Donc, ça se tient aussi. Mais dans tous les cas, ça se tient bien d'avoir un Drugovich un peu plus d'expérience et d'âge. Voilà. Mais dans tous les cas, ça me paraît des choix plus prioritaires que Perez pour Cadillac. Et ouais, j'ai tendance à penser que. Je rectifie Igloon sur le chat. Alpine a un simulateur assez récent, hein, depuis quelques 3 ou 4 ans quand même, qu'ils l'ont fait. Mmh. Donc, Et de toute façon, s'ils avaient acheté des consoles, Briatore a acheté des PS4, parce qu'évidemment, l'heure est à l'économie. En reconditionné chez Micromania. Il aurait vendu une vieille Switch pour gagner un peu d'argent. Et oui, non, mais moi j'ai dit, évidemment, Étoile Polaire, j'ai dit cette année qu'il fallait arrêter avec Pérez, qu'il ne viendrait jamais. Mais bon, c'est Briatore qui fait revenir, je ne pouvais pas prévoir. Tout ce qui découle de Briatore est imprévisible. Ça, non, mais écoutez pas les prédictions de Manu, de toute façon, parce qu'entre les 20 balles de Verstappen, je suis chez Aston Villa. Écoutez-moi plutôt. Bon, c'est vrai. Voilà. Dit que Alpine fera flop 3 l'année prochaine. Oui, bon, là, je suis d'accord avec lui. Il y a un grand risque aussi, mais bon, voilà. J'ai quand même envie de dire que pourquoi pas, ça peut essayer de faire quelque chose de sympa. Ouais. Mais en fait, j'ai envie pour les quelques personnes qui restent à Enstone, mais en vrai, et pour Gasly, et probablement pour Perez, qui mérite de, quand même de faire son retour, de pas trop en chier, mais elle est pas très aimable, cette équipe, au sens premier du terme. Tu vois, j'ai pas forcément envie d'apprécier ce qu'ils font. Donc, je m'en fous un peu, en fait. En termes de com, déjà. C'est devenu pitoyable. Ouais. Pour tout vous dire, Flavio Briatore, il ne parle quasiment plus à la presse. On reçoit un super communiqué de presse le dimanche soir sur la course de l'équipe et tout, et bien écrit avec les mots de Flavio et tout. À notre avis, à nous, 99,9%, c'est le service presse qui a écrit ça pour Flavio. Et Flavio, il l'a même pas lu. Ouais. Soyons clairs. Voilà. Non. Ce que vous avez lu donc tout à l'heure à 17h02 sur le site par l'ami Manu, c'est à mon avis uniquement des déclarations du service. Flavio Briatore égale service presse Alpine. Pour ceux qui écouteront en podcast, j'ai fait des guillemets autour de ma tête en disant Flavio Briatore parce que je pense que c'est pas lui. T'as fait des gros guillemets, ouais. Oui, des énormes guillemets parce que je pense effectivement que c'est la direction de la com de Renault qui d'Alpine qui fait les communiqués. Voilà pour le bilan, c'est deux grands prix. Hein. Ça a quasiment pris 2h30. Ne vous en faites pas, on va pas partir sans faire le bilan de nos pronostics. J'ai sorti des archives. Ah, je suis pas content. Ah bah non, il y a de quoi pas être content. Je suis pas content. Il y a de quoi pas être content. Effectivement, je commence par la Belgique. Nous avions, j'ai enlevé le bandeau Alpine. Belgique, nous avions pronostiqué. Alors, on va commencer par Alex qui avait pronostiqué Piastri, Verstappen, Norris. Il avait le vainqueur qui était bon et il avait Norris mal placé. Il n'y a pas le bon troisième, Verstappen étant quatrième. Franck, tu avais mis Hamilton, Norris, Verstappen. Tu as Norris bien placé. Ouais. Et moi j'avais c'est, mis... pour ça, c'est pour ça qu'après j'ai arrêté les conneries, faut dire. Et moi j'avais mis Leclerc, Norris, Hamilton. Oui, bon, ça va. J'avais Norris bien placé aussi. Voilà, Alex gagne ce prono avec un pilote mal placé en plus de nous. C'est pas non plus. Si c'est un pilote mal placé. C'est pas non plus la folie. Hein. C'est pas... Je vais être de mauvaise foi. Mais oh, il a quand même le vainqueur quand même. Ouais, là, il a le vainqueur. Non, mais bien sûr qu'il a été, il a fait le meilleur chrono. Mais c'est vrai qu'on était globalement assez. Je sais pas, on a eu une espèce d'élan de ferrarisme, y compris moi. C'est ça, on s'est dit avec la nouvelle suspension, un peu de rapidité. Et ouais, tout. C'est ça. Puis après, on était échaudés pour les pronos pour la Hongrie. On a fait plus simple possible. Alors que jusqu'au Canada, moi je disais que des doublés McLaren qui n'arrivaient pas. Et maintenant qu'il est en pile, et bah, je ne les pronostique plus. Je continue de ne pas les pronostiquer, au moins ils continueront à en faire. Et en Hongrie, Alex avait dit Hamilton, Piastri, Norris. C'était lui cette fois-ci. Ah, il a Piastri bien placé et Norris mal placé, on peut pas lui enlever. Toi, tu avais dit Norris, Piastri, Leclerc. Donc toi, tu as effectivement le doublé dans l'ordre. Tour. Voilà. J'avais skippé jusqu'au 64e tour quand même. Ouais. Et moi, j'avais mis Norris, Leclerc, Piastri. Il y a un moment dans la course où peut-être j'ai eu une chance que ce scénario se produise. Si, quand Norris était passé en tête avec son premier arrêt et son un arrêt, si Leclerc était resté, je l'avais. Avec des si, évidemment, on refait le monde. Donc voilà, donc c'était pas terrible. On s'excuse un peu de nos pronostics qui sont pas. Non, en vrai, c'est pas pour nous excuser, mais c'est une saison qui est quand même très compliquée à pronostiquer. Mais on s'amuse toujours bien de voir. Bah, disons quelques qu'on semaines a voulu faire un peu de fun aussi. Oui, aussi, on essaie de pas. Parce que, voilà, parce que sinon, on vous dirait toujours Norris Piastri quelque chose ou Piastri Norris quelque chose. Et puis voilà, on prendrait à 50% de chance, on aurait bon, quoi. Justement, on va vous donner nos pronostics pour le Grand Prix des Pays-Bas qui aura lieu dans 4 semaines, même si la pause estivale, on va pas arrêter la bonne tradition. Et moi, j'ai fait un Norris Piastri quelque chose, mais qui est fun. C'est ça la différence. Parce que, pronostic pour Zandvoort, j'ai parié. Je commence par les miens, du coup, puisque je viens d'en parler. J'ai mis Norris Piastri Alonso. Voilà. Je pense que. Le grabataire. Oui, j'ai parlé du grabataire. C'est vrai que je l'ai appelé le grabataire et j'ai dit que c'était là que mon pari était risqué. Parce que Franck disait que je n'avais pas de courage en ayant pronostiqué Norris Piastri, mais quand même. Voilà. Donc, ça, moi, je crois en Aston Martin sur un circuit sinueux. Alex a dit Norris, Leclerc, Piastri. Donc excuse-moi. J'ai mal. Il dit Verstappen, Russell, Piastri. Oui, pardon, j'ai mal noté. Oui, c'est ça. Verstappen, Russell, Piastri. Je crois qu'il avait un peu trop de limoncello dans le sang quand ils ont envoyé. Écoute, en vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Si la Mercedes est bien réglée, ça peut le faire aussi. Russell est quand même pas vraiment très loin. Et toi, tu as mis. Ah, toi, tu dis Verstappen, oui, il n'y a pas de souci. Hein ? Verstappen vainqueur quand même. Hein. Ah oui, non, bah ouais. Non, mais. Excuse-moi. Écoute, Verstappen à domicile, on sait jamais. Non, j'y crois pas trop. Là, mais Jean Norris, l'année dernière, il a mis une pilule à Verstappen et il avait pas le monopole cette année. Donc. Non, même sous la pluie, je pense pas que Verstappen puisse faire la différence. Après, n'est pas là pour une surprise. Hein. Ouais, une surprise serait Russell qui serait deuxième devant une McLaren, mais après, non, je pense quand même que. Et moi, je sais plus ce que j'ai dit. Toi, tu as mis. Ah, si, j'ai mis un petit. Ouais, j'ai fait aussi un petit truc un peu sympa. Ouais. Attends, j'essaie de le retrouver parce que du coup, je... Ah oui, Piastri, Leclerc, Verstappen. Ah oui, toi, ouais. Tu as mis aucune. T'as mis trois équipes différentes sur le podium. Toi, tu mets Verstappen aussi sur le podium, donc on sait jamais. Oui, parce que je dis que Norris veut faire une faute. Non, moi je pense que Norris va gagner. Comme l'an dernier, il a gagné avec 30 secondes d'avance à Zandvoort. Oui, donc vous avez des pronos. Bah, si on serait tous sur Norris, Piastri, Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc. Ouais, Piastri, ouais, Norris, Leclerc. Russell, ouais. Piastri, Norris, Russell. Norris, Piastri, Russell. Ouais. Si vous voulez vraiment jouer la gagne, c'est pour ça. On essaye d'avoir un petit peu de. Un petit ouais, faut mettre un petit peu de fun. C'est pour ça que j'ai mis Alonso. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Il faut un petit outsider quand même. C'est ça. Donc voilà, on pourra revenir là-dessus évidemment dans 4 semaines, hein, puisque c'est la pause estivale, la traditionnelle pause estivale. Comme d'habitude, on s'exclut pas de prendre la parole si des choses se passent. Alors bon, c'est vrai qu'on n'attend pas des news énormes maintenant que Horner a été viré et que non. Ça roule un peu plus. S'il y a des news d'annonce, ça sera forcément cette semaine, puisque la semaine, oui. Ensuite, les 15 prochains jours sont off pour les ouais. Équipes. Donc, y compris la communication, normalement, même s'il peut. Je crois que le marketing peut communiquer sur certaines conditions. Il faut vraiment qu'il y ait un truc vraiment spécial qui arrive. Et date voilà, de quand cette règle ? Oh, la pause, la fermeture obligatoire ? Ouais. Parce oh, qu'en 2019, ils communiquent pendant cette période-là chez Red Bull pour annoncer la version Gasly Albon. Mais je sais plus si la règle est déjà en place. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est. Voilà, bon, bah, oubliez ce que je viens de dire. Non, mais peut-être pas. Non, mais dans tous les cas, il y a quand même beaucoup moins de risques que ça se passe. Voilà, c'est ça. Si vous avez des annonces, je pense que normalement ça fera cette semaine ou la semaine avant, j'allais dire Spa, mais non, c'est plus Spa, avant Zandvoort. Tradition. La semaine avant Zandvoort, quand ça réouvre. Oui. Ça rouvre, pardon, on dit pas réouvre. On dit rouvre, quand ça rouvre. Voilà, donc. Mais bon, après, il y a quoi. Mais il y aura quand même des infos sur Next Gen Auto, où ça prépare plein de trucs, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses que vous avez gardées. En stock, il y a plein de petites choses un peu croustillantes que vous n'avez pas vu passer ailleurs. Voilà. Une déclaration qu'on a mis de côté, on s'est dit, pour vous carrer, vous cacher des coulisses, on a un article, c'est une espèce d'entité vide sur notre serveur où on empile des liens, des statistiques, des faits, tout ça. Enfin, des liens, des liens vers des trucs qu'on a vus, tout ça, qui peuvent servir de contenu divers et variés, qui peuvent avoir des interviews, des choses comme ça, qui sont passées un peu sous le radar. Et puis, qu'on va vous ressortir pour les vacances, histoire de ne pas vous laisser non plus sans contenu Formule 1, même si évidemment... Alors vous, pour nous, au pire, on s'en fout un peu. Oui, oui, désolé, c'est Google qui s'en fout, qui s'en foutrait pas si on se mettait à plus rien faire du tout. C'est un peu ça le problème. Prendre des vacances, voilà, après c'est Google nous, et un petit peu... Voilà, c'est ça, mais les revenus publicitaires, il faut qu'on mange aussi un petit peu derrière. C'est ça, et particulièrement si avec Google en ce moment, je tiens à faire un petit mot d'ailleurs, un live montage de Lego F1. Sur Twitch, ce serait marrant ça en vrai. Ouais, il faut le temps, hein. 5-6 heures j'ai mis pour monter la grosse. Ouais, bah tu fais plusieurs soirées, tu fais sur 3 semaines, tu vois. Bah écoute, tu sais, c'est une bonne idée. Dès que Lego ressort une nouvelle grosse F1, je leur demande. Parce qu'on les a toutes faites, hein. Sauf la McLaren qui est sortie en premier il y a quasiment 2 ans. Mais si, je pense qu'ils vont ressortir d'autres du coup. Oui. Je leur demande à ce qu'ils te l'envoient. Ouais. Et voilà, puis comme ça, comme on sait jamais que tu fous rien de tes journées. C'est ça que ça fait. Non, mais ça peut être sympa. C'est des petites FAQ sur Twitch. Écoute, ça fait du contenu sympa qui change un peu. C'est ça. Bah, écoute, ça peut être pas mal. Et je tiens à dire un petit mot de ma part, mais je pense que Franck va abonder en mon sens. Continuez à bien aller lire les sites internet qui vous font des news, parce que Google fait des choses assez dégueulasses avec internet en ce moment, notamment au niveau des algorithmes, des l'IA, des résumés, etc. Et surtout, met en avant les titres les plus putassiers possibles. Et beaucoup de choses extrêmement fausses. Je ne sais pas si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de gens qui montent des choses absolument insemblables, comme George Verstappen attaque la FIA parce qu'ils ont refusé de lancer le Grand Prix de Belgique à 15h. Voilà. Voilà, et ça circule et les gens y croient. Et il y a des faux sites de F1, des fausses trucs de réaction, des faux comptes sociaux. Voilà. Et les gens y croient, et ça circule, et ça devient vraiment une horreur. Et il y a aussi des vrais sites qui font du bien putassier, je pense au D-Sport, à Sport, des trucs comme ça, qui font des titres, qui se mettent à la F1, donc qui font forcément, qui touchent plus de monde que nous, puisqu'ils sont généralistes, mais qui font des titres bien dégueux, font des clics. Voilà, Gasly c'est fini alors que juste il est sorti en Q2 au lieu de la Q3. Enfin, c'est ça, voilà. C'est le genre de trucs comme ça qu'il faut vraiment éviter. Donc choisissez bien aussi le F1, clairement. Ouais. Et surtout, voilà, parce que nous, en fait, Google met ça en avant. Et donc, du coup, forcément, pour rien vous cacher, après sans faire de détails, ça pénalise les sites comme nous qui essayons justement de ne pas, trahir nos titres. On essaie de vraiment. On en a quelques-uns où on est un peu plus incisif que d'autres. On nous a reproché parfois, mais on essaie, c'est un titre sur 100 ou 200, hein, parce qu'on en fait quand même beaucoup sur tous les week-ends de course. Et donc, les week-ends de course, on essaie de faire un peu plus. Mais voilà. Et malheureusement, il va arriver un truc bientôt qui sera les résumés IA par Google sur Google, qui donc là va aussi réduire les fréquentations des sites, puisque les gens vont pouvoir lire les résumés des articles faits par Google sans aller cliquer, sauf que quand on ne clique pas, on ne fait pas vivre ceux qui font contenu, et en fait ce que Google ne se rend pas compte, c'est que son IA va tuer Internet, puisque on pourra toujours. Moins il y aura de sites qui vivront pour ça, moins il y aura de quoi alimenter son IA pour faire ses résumés. Donc c'est une démarche débile, mais Google ne réfléchit pas comme ça. Donc voilà, ça pour dire. J'annonce aussi bientôt l'ouverture d'un nouveau site Next Gen Auto Premium. Voilà, une version premium du site sur abonnement, sans aucune publicité. Voilà. Puisqu'on nous l'a demandé, même si on a très largement réduit la voilure sur la publicité, vous rentrez sur le site, c'est très clair. Pour tout le monde, oui. Voilà, au bout de 10-15 secondes, effectivement, vous avez en général une publicité en plein écran qui vient se mettre, mais c'est malheureusement celle-ci qui rémunère de nos jours. C'est plus les petites publicités que vous voyez à gauche, à droite dans l'article ou celle qui se met en haut ou en bas, c'est malheureusement celle-ci qui rémunère. On n'a vraiment pas le choix. Si on enlève celle-ci, on se coupe de 50% de nos revenus et autant vous dire qu'on vous dit ciao, bye tout de suite. Donc voilà, le choix il a été fait. Donc en plus, elle ne s'affiche pas tout de suite, il faut attendre 10-15 secondes. Donc voilà, il y a une croix pour fermer, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc par contre, comme il y a quand même des gens qui nous ont réclamé un site sans publicité, on va en faire un sans publicité sur abonnement, mais ça sera un abonnement, ça sera quelques euros par an, donc ça sera vraiment très marginal en termes de coût. Pour ceux qui connaissent en termes de tarifs, on serait proche de Endurance Info qui fait la même chose. Peut-être même moins cher, je pense qu'on sera entre 10 et 15 euros par an. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Ça sera directement lié à votre compte Google. Aussi, voilà, comme ça vous pourrez directement vous loguer avec votre compte Google. Et voilà, évidemment, le but c'est pas de faire qu'un site sans pub, le but c'est aussi de vous faire du contenu exclusif. Si on voit que ça prend bien, si on commence à avoir ne serait-ce qu'un millier de personnes qui viennent, ce serait déjà une très bonne réussite pour nous. Ce serait du contenu exclusif, du contenu même en avance, parce qu'il faut le savoir, nous par exemple, souvent on est à bord de la pause estivale, on a parfois 30, 40, 50 articles qui sont déjà prêts. Rien ne pourrait empêcher que ces 30, 40, 50 articles soient déjà à disposition de ceux qui payent. Pour vous dire, je pense que si jamais un jour il arrête Next Gen, Franck ira faire de la logistique parce qu'il gère des stocks tout le temps. Des stocks d'articles. Non, mais c'est vrai qu'on gère, des fois on a jusqu'à 50, même l'hiver on a jusqu'à 50, 60 articles de prêt. C'est ça. Pour distiller, parce qu'évidemment on ne balance pas tout. C'est ça. Et on calcule sur le nombre qu'il faut distiller par jour pour arriver sur le bon jour au moment où la F1 reprend. C'est pour vous dire, c'est juste le but, c'est que les stocks soient vides le jeudi matin de la reprise. Les petites coulisses de Next Gen, on pourra faire un jour FAQ sur le site, voilà. Ouais. Peut-être à l'ouverture du site premium, si on prend un petit Twitch. Voilà. Après, on se posait la question aussi, voilà, parce que des photos, parce que malheureusement, je vois que la rubrique photo, nous on les fait, on vous les met à disposition, on met quand même presque 6000 photos, entre 5000 et 6000 photos en HD à disposition gratuitement par week-end. Ça ne fait malheureusement plus que quelques centaines, un gros millier de pages vues, on va dire, sur un week-end, peut-être un peu. Ça fait beaucoup plus, par exemple, sur les lancements de nouvelles F1, forcément, mais sur des week-ends de Grand Prix, ça reste vraiment réservé à, je sais pas, à des gens qui sont encore intéressés par ça. Donc peut-être qu'on va passer une partie des photos uniquement pour la partie premium, mais du coup les passer en 4K. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'elles sont en format full, ce qu'on appelle format full HD, donc c'est le format 1920 par 1280, voilà. Donc vous les passez vraiment en format 4K, parce qu'on les reçoit en même résolution un peu plus supérieure. Donc voilà, peut-être garder une bonne partie des photos gratuites, peut-être la galerie bonus, voilà, la galerie bonus qui sort le lundi, elle serait peut-être juste pour les, effectivement, pour les gens en premium et en version 4K. Moi, il faut après que je vois avec notre agence photo XPB si je peux passer leur photo en 4K aussi pour la version premium. Il faut aussi voir avec les photographes, hein, aussi, parce que c'est aussi leur production derrière. Travail, ouais. Donc voilà, parce qu'autant en Full HD, ça les dérange pas trop. Autant en 4K, quand les photos circulent un peu partout sur le net, ça peut les déranger. Parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec de la 4K, comme de l'impression, ce genre de choses qu'on peut pas faire avec du Full HD. Donc voilà, ça avait des idées un peu comme ça. Notre développeur a très envie de s'investir aussi dessus, donc vous faire des fiches, des statistiques en temps réel, des fiches équipe, fiches pilote sur le système. Donc ça arriverait un petit peu plus tard, mais voilà, le but, c'est effectivement. Voilà, on a entendu ce point sur la publicité en premier lieu. On s'est dit, voilà, pourquoi pas lancer ça. Ça coûte pas grand chose de le faire, de le dupliquer, de le mettre en route. Il y a quelques points techniques à revoir. Et si ça prend, eh ben, écoutez, on étoffera et on proposera du contenu. Et sachez que ceux qui s'abonneront dès la première fois, ce sera un premier tarif qui sera unique et que c'est un tarif qui sera garanti à vie. C'est-à-dire que si dans 10 ans, l'abonnement passe à 20 euros, 25 euros, il sera toujours à 10 euros, par exemple, s'il lance à 10 euros. Voilà, parce que c'est tant que vous ne le résiliez pas, en tout cas. Et vous aurez également des royalties sur mes paris, c'est-à-dire que quand je perds, je paierai tous les... Non, je rigole, évidemment. Non, par contre, oui, c'est dire, en fait, c'est un peu un site qui va s'auto-alimenter, parce que plus on aura d'abonnés, plus ce sera facile pour nous de déclencher du contenu. Je veux juste répondre à Nico de Toulouse, parce que ça va être ça son pseudo réel. Si vous faire du premium sans passer par une commission Google, ce serait top. Le gros problème aujourd'hui, en fait, c'est un, c'est de pouvoir récupérer l'argent par quelque chose de sécurisé. Et l'autre gros problème, c'est effectivement, si on ne passe pas par une connexion Google, c'est comment sécuriser le login mot de passe. C'est-à-dire que quelqu'un se prend un abonnement chez Next Gen Auto, communique son login mot de passe à tout le monde et tout le monde peut se connecter avec, le passer à sa famille, le passer aux potes, le passer dans des forums de F1, le passer en privé à plein de gens. Et du coup, pour nous, évidemment, c'est un manque à gagner flagrant. Donc au moins un compte Google, voilà, c'est forcément une sécurisation, parce qu'on se doute bien que vous n'allez pas passer votre login mot de passe de votre compte Google, Gmail et autres à toute la terre entière. Donc pour nous, malheureusement, c'est une sécurité nécessaire. On n'a pas les moyens comme Netflix de voilà, et puis en plus, clairement aussi pour les moyens de paiement, ce genre de choses, c'est aussi ce qui est le plus sécurisé. Donc on n'a malheureusement pas trop le choix que de faire autrement, que d'utiliser des solutions qui fonctionnent. D'ailleurs, c'est la même solution que Le Monde, par exemple. Le Monde.fr utilise cette solution-là. C'est le paywall de Google et qui fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, il n'y a pas trop le choix. Je sais qu'il y a des gens qui sont anti-Google. Google nous fait aussi rager en ce moment sur pas mal de choses. Mais malheureusement, Internet mondial est dépendant d'eux, de toute façon. Voilà, donc 95%, 80% des gens même ont un Gmail ou un compte Google par nécessité ou par volonté. Donc on va aller sur la solution la plus facile aussi techniquement derrière pour nous à mettre en œuvre. Et comme ils mettent une solution clé en main pour ce genre de site et pour ce genre de contenu premium, on doit pouvoir en profiter aussi, donc désolé pour la réponse que vous n'attendiez pas, enfin que cette fois Nico n'attendait pas, mais là pour le coup, je suis... Radar aussi, Qui c'est aussi le radar aussi qui a marqué plus un à la phrase de Nico, mais effectivement ça va être un peu compliqué. C'est malheureusement extrêmement compliqué aujourd'hui, il faudrait avoir vraiment par contre aussi passer sur un système de développement beaucoup plus compliqué, avec une authentification à deux facteurs, avec par exemple un SMS sur votre numéro de téléphone, genre de choses. Beaucoup plus lourde, on veut pas en arriver là, et puis en termes de développement, c'est pas du tout la même chose. Non. Voilà. Voilà pour le petit point coulisses et fonctionnement et ce genre de choses qui, voilà, en tout cas, continuez, faites vivre, et même, c'est pas que pour nous, hein, si vous avez des sites que vous aimez bien, faites-les vivre, allez bouffer leur contenu, comme on dit, parce que c'est ça qui fait vivre. Oui. Et Internet est globalement pas en grande forme en ce moment. Beaucoup d'éditeurs souffrent, ouais, effectivement. Les éditeurs souffrent, ça. Les sites indépendants souffrent. Enfin, tout le monde est un peu dans le dur. Donc, si vous avez des sites que vous aimez, prenez-en soin. Parce que moi, c'est vrai que je le fais pas mal pour les sites que j'aime bien sur d'autres thématiques. Voilà, c'est important. Voilà. Et ben, je pense que c'est le bon mot de la fin pour vous souhaiter une bonne pause estivale, encore une fois. Voilà. Cliquez sur plein d'articles sur Next Gen Auto pendant la pause. Lisez. Même si vous faites que survoler, c'est pas grave. Passez-y deux minutes, regardez, mais voilà, comme ça au moins. Là, vous cliquez, vous laissez ouvert vous ouvrez les 10 onglets, vous laissez ouvert, vous refermez le soir. Et puis voilà, vous avez fait vivre. Voilà, exactement. Et puis comme ça vous fait aussi des infos, parce que malgré tout, on essaie de vous faire des infos exhaustives et plutôt. Oui, et puis voilà, puis on fait quand même des trucs de qualité. Donc, exactement. Donc voilà. Et en tout cas, merci à tous et toutes de votre soutien, d'avoir été là ce soir aussi. Vous avez été à peu près 300 en moyenne depuis le début de la soirée. Donc on a passé, c'est vrai, quasiment 3 heures ensemble, enfin 2h40. Début août, c'est très très bien. Enfin, début août, c'est très bien. 2h40 ensemble, puisqu'on avait deux grands prix à débriefer. Et puis voilà, on voulait le faire, parce que c'est pas parce qu'on avait raté la Belgique qu'on pouvait pas en parler un petit peu. 4 semaines de pause avant le Grand Prix des Pays-Bas, qui reviendra donc le dernier week-end d'août. Au niveau des horaires, bon, vous aurez le temps de voir venir, mais ce sera les mêmes horaires de toute façon que la Belgique et la Hongrie, donc ce ne sera pas bien compliqué. Et puis, merci encore une fois d'être là, merci de nous lire et de nous regarder, de participer dans le chat pour ceux qui le font et celles qui le font. Et puis, Franck, merci également. Ben, merci à toi, merci à tout le monde dans le chat, merci à tous de votre fidélité. Passez de très bonnes vacances pour ceux qui en ont, qui n'ont pas encore eu. Sinon, bah, écoutez... bon courage à ceux qui bossent au mois d'août. Profitez peut-être d'une activité un peu ralentie pour ne pas bosser trop trop fort. Voilà, au moins ça. Mais voilà. Et puis, rendez-vous pour notre passion F1 dans un peu moins de 3 semaines pour du live. Et sinon, tout au long de l'été, avec pas mal d'articles, vous verrez, très intéressants. Exactement. Et bonne semaine et bonnes vacances. À plus. Merci, ciao ciao.